chères auditrices, mes chers auditeurs, bonsoir. Ce soir, Vivre et créer à la montagne vous présente la fête du tiers-lieu ailleurs, qui s'est déroulée les 7, 8, 9 novembre dernier, au tiers-lieu ailleurs précisément. Alors, à Épinal, cette fête annuelle du tiers-lieu était centrée sur deux thématiques, l'eau qui mord, pour reprendre l'expression de notre regretté René-Lise, et la Vosgiothèque, pour exprimer cette nouvelle création d'une entité littéraire au sein même de ce tiers-lieu. Alors, je ne vous parlerai pas de la partie, militante sur l'eau, qui a été passionnante, mais que j'ai pas pu suivre entièrement. Il y a eu des courts-métrages, il y a eu des débats, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été brassées, comme l'eau. Et je vous parlerai donc plus particulièrement du côté culturel. Ce côté culturel, quand même, j'ai assisté dès vendredi soir à des impros sur la menace sur l'eau par le groupe d'impro de Ralentir pour vivre. Remarquable. Alors, nous, je vais vous parler plus spécialement du côté littéraire. En effet, la littérature a été bien mise à l'honneur. L'Union des écrivains vosgiens fait partie de ce qu'on appelle la tribu qui se constitue autour du tiers-lieu ailleurs. Et à cette l'Union des écrivains vosgiens avait décidé d'essayer de créer un pôle auteur plus conséquent, ce que nous cherchions depuis longtemps, puisque nous avons de nombreux auteurs, mais nous cherchions un liant pour exprimer ce que nous appelons union des écrivains vosgiens. Cette idée d'un brassage, d'ailleurs, avec les écrivains et écrivants, puisque toute personne qui prend la plume est un écrivain ou écrivant, eh bien, cette idée a été émise il y a quelques mois, après notre AG, par Pierre-Olivier Poyard, et a pris corps, donc, ce dimanche, plus spécialement, et la veille aussi, par une scène ouverte. Ce soir, je ne vous parlerai pas de la scène ouverte, qui a eu une cinquantaine de participants, 50-60, avec, bien sûr, des poèmes et des chansons remarquables qui ont égrené cette soirée, que je vous passerai dans une autre édition de Vivre et créer à la montagne. Et je ne vous parlerai pas non plus même du début le dimanche matin où, avec Morgane, nous avons écrit autour de la thématique « La vie, c'est de l'eau ». Si tu fermes le poing, tu la perds. Si tu l'ouvres, tu la gagnes. Citation de Giono. À partir de ça, eh bien, 17 auteurs et écrivains et écrivants ont communiqué dès le matin du 9 à 9h30 pour s'exprimer largement et communiquer par écrit déjà, puisque c'était l'écrit qui était à l'honneur. Alors ensuite, eh bien, il y a eu l'inauguration que vous entendrez, l'inauguration de la Vosgiothèque. Cette Vosgiothèque recueille des ouvrages, il y en a une cinquantaine maintenant d'auteurs, et des auteurs qui nous ont confié leurs livres pour garnir la Vosgiothèque, que l'on pourra consulter constamment au tiers-lieu. Vosgiothèque qui s'étend de l'Alsace jusqu'à la Champagne, Haute-Marne, à la Haute-Saône, aux confins de la Franche-Comté. Donc c'est des Vosges au sens large, mais c'est ce rayonnement vosgien. Et c'est tient au fait que l'Union des écrivains de l'Est, fondée par François Matenet, s'est très vite appelée Union des écrivains vosgiens, les Vosges étant le cœur vibrant de cette union. Voilà. Alors, on entendra donc la présentation de cette Vosgiothèque et l'inauguration qui a été effectuée par Madame Khadija Belal, présidente du Centre culturel, et Dominique Andrès, adjoint au maire d'Épinal. et bien sûr d'autres personnes qui étaient là et qui sont des piliers, actifs de Troisième Rive, c'est-à-dire du tiers-lieu ailleurs, c'est la même dénomination, c'est la même chose. Et bon, donc vous allez entendre cela. Ensuite, l'après-midi a été consacré, l'après-midi de dimanche, après un apéritif dînatoire concocté par Christine et Morgane, Morgane et Christine. Donc cet apéritif dînatoire s'est continué l'après-midi par des dégustations littéraires. Et c'est dans un cercle amical et fervent que se sont retrouvées une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles 20 auteurs déjà qui se sont exprimés et qui ont lu leurs extraits. Enfin, peut-être pas 20 cette fois-ci, pas dans l'édition que je vais donner ce soir, puisqu'il y a eu deux parties, donc j'y reviendrai. Mais étaient présents en tout cas les écrivains suivants et suivantes, par ordre alphabétique, bien sûr, Élodie Déel, Marie-France Ulbrecht, Josette Marie, Nadège, dont je n'ai pas le nom de famille, mais qu'on a connu à la scène ouverte, Alix Sylvestre, Prière Kibon Chatrian, Ginette Voltaire, Jérôme Bonnet, Florent Bouzouane, Nicolas Cassagno, Francis Cuny, Jeff Santeur, qu'on écoutera surtout le soir après, moi-même, Vincent de Combis, Denis Laurent, Olivier Licari, Pierre-Olivier Poyard, Cédric Prévost, Mamadou, Sielou, Koulibaly. Voilà. Et vous pourrez entendre donc ces lectures d'une bonne partie d'entre eux, de 12 d'entre eux. Je vous donnerai l'ordre juste après, comme ça vous saurez à quel moment, si vous êtes vous-même auteur ou êtes intéressé par tel ou tel auteur, vous pourrez davantage ouvrir vos oreilles. Cette inauguration a donc donné lieu à un échange chaleureux qui d'ailleurs devrait déboucher, m'a-t-on dit, peu à peu, même assez vite, sur des émissions radio ici, sur RGM, qui est le Vosges Culture de la radio. Voilà. Cette cinquantaine de participants donc, ont écouté les auteurs dont je vais parler. Et je continue, la soirée s'est continuée un espace vente qui n'est pas un salon habituel, parce que la législation ne nous permet pas de tenir au tiers-lieu, qui est un lieu municipal, de tenir un salon habituel avec des stands personnels, mais précisément c'était un stand collectif où les auteurs se sont d'ailleurs bien retrouvés. C'est l'UEV qui vendait, mais c'était les auteurs qui encaissaient, je dirais, et qui surtout signaient leurs ouvrages. Et ça s'est pas mal développé. Il y a eu au moins une douzaine d'ouvrages ainsi vendus en peu de temps. Et après, le public a un petit peu changé dans la soirée. C'est un public qui est venu, une trentaine de personnes, pour Jeff qui a donné son concert, Jeff chanteur, qui est aussi un concert poétique. Jeff qui parfois évoque Renaud, parfois évoque Léo Ferré, ou Brassens quelquefois aussi, mais qui évoque surtout Jeff, l'ancien chanteur de Tournée Générale, qui revient pour faire cette tournée. Bon, voilà, j'ai ainsi parlé, et nous allons écouter tout de suite la première partie de cette émission consacrée à l'inauguration de la Vosgiothèque, et on comprendra aussi mieux ce qu'est le tiers-lieu ailleurs, expliqué par Marc Bivel, son président actuel, et par Pierre Claudel, son créateur. L'inauguration de la Vosgiothèque. L'événement, c'est l'inauguration de la Vosgiothèque. Voilà. Voilà. Et de la Grainothèque. Et de la Grainothèque. Ah bah oui. Non, c'est plutôt occupé des livres que des graines. Oui, oui, oui. Mais il y a des graines à côté. Alors, prenez place. Je vois Nicolas, pas que tous les acteurs ne sont pas là. Voilà. Oui, parce que toi, tu vas présenter ça. Mais il faudrait que tu sois sur la photo aussi. Vas-y, recule un peu. Voilà. On a pas besoin de... Et c'est notre amie présidente qui coupe le ruban. Ça pourrait être Madame Bellal. Tu veux couper le ruban? Oui, oui. Alors Madame Bellal nous fait l'honneur donc, d'être là, présidente du Centre culturel, où on va aussi. Hein. On n'est pas, on va pas qu'ici. D'ailleurs, on a recommencé un atelier il y a 15 jours. Hein. Donc Madame Bellal qui nous accueille aussi au Centre culturel. Et les auteurs s'y présents. Et je vais demander. Ah, on le présentera un petit peu, puisque leurs livres sont dans la Vosgiothèque. Je vais demander au président d'honneur et au président du tiers-lieu, Pierre Claudel, président. Marco, c'est café associatif, c'est pas du tiers-lieu. Tiers-lieu, c'est Mickey. Parce qu'on a en même temps la Grainothèque que tu peux présenter, mais puis même, d'une manière générale, Pierre, tu peux me dire que tu es à l'origine du tiers-lieu. Et puis, Pierre-Olivier a eu aussi son idée de cette journée qui, d'une certaine façon, ça fait longtemps qu'on réfléchissait à faire un salon des auteurs de l'ULV, de l'Union des écrivains vosgiens. Bon, et il se trouve que l'idée a couru et que, dans un premier temps, l'idée d'une journée de rencontre s'est fait jour, et avec des éléments, par exemple, donc Pierre-Olivier donc, est à l'origine de ce projet, pour qu'il remplace un peu des salons qu'on avait prévus, et ça sera une sorte de salon aussi, après-midi. Là-dessus, Nicolas Cassagno a demandé à un nombre d'auteurs, il en manque encore, et ça sera de faire des trombinoscopes pour que vous pourrez... vous pourrez reconnaître les auteurs, hein. C'est l'idée. D'ailleurs, ça sera aussi sur le site de l'Union des écrivains vosgiens. Denis Laurent, vice-président, peut venir aussi, s'il veut, pour être là. Il est vice-président, bon, bref, et secrétaire. Christine peut venir aussi, parce Christine aussi. Avec Morgane, elles ont préparé voilà. Au buffet. Elles ont préparé le buffet. Alors, et moi on va avoir deux places. Hein. Le nom de la Vosgiothèque. On le doit à Morgane, d'ailleurs, quand on a dit comment on va appeler cette bibliothèque des auteurs vosgiens qui vont laisser leurs livres ici. Bon, ben voilà. Alors, je laisse aussi l'idée Grainothèque, Vosgiothèque. La Grainothèque, c'est ici. Tu peux la présenter, Marco? Bah, c'est très simple. C'est, comme vous voyez, un meuble avec des tiroirs. Oui. Alors... C'est une grainothèque, donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est des graines à côté de livres, donc ça peut être vous planter une idée dans votre tête et dans la terre. Oula. Attention. Et du coup, je vous invite, si vous avez un jardin ou même si vous voulez en planter, de pouvoir rajouter des graines ou en prendre pour chez vous, comme ça. Puis après, en même temps, de lire un livre, comme ça, c'est dans votre tête, ça pousse. Bon voilà, on remercie en tout cas Épinal en Transition qui n'en avait plus l'utilité, qui nous l'a prêté. C'était toute une histoire pour le ramener, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce meuble est très facile à démonter. Ça, c'est vraiment un super meuble. Enfin, il faisait ça bien dans le temps. Donc voilà, donc vous avez tous les livres de la Vosgiothèque qui est les du coup les. Il ne demande qu'à être emprunté et remis gentiment là pour d'autres. Mais voilà. c'est plutôt la consultation sur place, c'est voilà. L'emprunt dans emprunt le lieu. Sur place, voilà. Oui, pour et l'instant, avec c'est lecture ça. Sur les canapés. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas un CDI. Hein. Et en prenant un café ou un oui. Au tiers-lieu, au café associatif, vous avez bien compris. Ou une limonade, la mortuassienne. Sur sa bonne limonade. L'idée est que dans Union des écrivains vosgiens, il y a Union, et que cette Union des écrivains, on a voulu un petit peu la faire fleurir en ce jour du 9 novembre, en pleine. C'est quand même le moment de la Saint-Martin et des prémices du futur printemps. Donc on a voulu ce moment pour que les auteurs puissent... les auteurs et les écrivains et écrivains, puisqu'on ne distingue pas les deux. Hein. Il y a des gens qui font, qui écrivent simplement et qui sont des aspirants auteurs dans les ateliers d'écriture. Et puis, il y a des auteurs qui sont édités et dont les livres sont ici déjà. Voilà, et qui nous sont confiés. Que dire, Madame Bellal, vous avez, en tant, au point de vue de votre action culturelle, votre... votre mot, si vous avez un mot. Je n'ai pas vraiment un mot, mais je veux dire, mais je suis ravie d'avoir été invitée, hein, et puis je découvre tout à fait le lieu, c'est la première fois que je viens, et puis je suis assez ébahie, quoi, parce que bon, j'imaginais pas du tout, j'ai déjà entendu hein, parler du tiers-lieu, du tiers-lieu, du tiers-lieu, mais là, je vois que, bah, bravo, hein, parce que vraiment, c'est impressionnant, je veux dire, c'est vraiment un tiers-lieu, mais je n'imaginais pas si grand, je n'imaginais pas si développé, je n'imaginais pas tout ce que je découvre aujourd'hui, quoi. Alors je suis vraiment, vraiment très contente d'être venue et je pense revenir assez régulièrement et puis faire la promotion justement au centre culturel de ce lieu qui mérite d'être ouvert au plus grand nombre. Voilà, merci encore. Merci. Après, on peut rajouter qu'il faut aussi aller au centre culturel. Aussi. Mais on y va. Hein. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une très très bonne exposition avec les affiches du mouvement de la paix, des reproductions diverses et variées. Je vous invite à aller au vernissage lundi à 17h. Au centre culturel. En fait, le centre culturel, ouais. Demain. C'est un immeuble qui est mis à disposition des associations. C'est un soutien de la ville aux associations depuis 1977. Et on regroupe, c'est le siège social de 85 associations culturelles d'Épinal. Voilà. Donc, tout est mis à disposition, tout est pris en charge par la ville, hein, ainsi que le personnel. Et puis, on espère que ça durera encore. Donc, on fêtera les 50 ans en 2027, tout prochainement, et on espère que toutes les municipalités qui viendront maintiendront ce lieu. On espère après. Avec la restriction budgétaire, donc on a toujours un petit peu peur qu'à un moment donné, on dise... Alors, on fera connaissance, une fois l'inauguration faite, un peu plus autour de la table avec les auteurs. Mais les auteurs, je vais quand même présenter les auteurs qui nous ont laissé des œuvres ici. Je commence à ma gauche par Jocelyne, dont je ne me rappelle jamais le nom exact, excuse-moi. Jocelyne Marie, voilà. Jocelyne Marie, Francis Cuny, bien sûr. Hein. Il faut applaudir à chaque fois que tu sais. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Bravo, on commence alors. Alors, Jocelyne Marie. Bravo, bravo. Francis Cuny. Bravo, bravo. Ginette Walter. Bravo. Oui, bravo. Olivier Licari. Bravo, bravo Olivier. Jérôme Bonnet. Bravo. Mamadou Sialou Koulibaly. Bravo, bravo, bravo. Elodie Déel. Bravo, bravo. Le prénom Nathalie. Hein. Oui, Marie Ulbrecht. Bravo. Marjolaine Cochet. Bravo. Cédric Prévost. Bravo. Nicolas Cassagno. Bravo Nicolas. Pierre-Olivier s'est présenté. Il est bravo moi. Moi-même Vincent de Combis. Bravo. Bravo Vincent. Bravo président. Vincent. J'ajoute qui est auteur de fait, qui fait écrire, c'est notre ami s'y présente, que vous connaissez tous, Maggie Louis. Ah. Bravo Maggie, on t'applaudit quand même. Et bon, que dire, ben, vous connaîtrez mieux. Et toi, Félicie, bien bravo sûr. Félicie, on t'applaudit aussi. Marjolaine, je t'ai présenté, oui, voilà. Et donc, nous allons inaugurer cela. Nous connaîtrons mieux les auteurs qui sont là, après-midi, dans une première salve de lecture. D'autres auteurs qui nous ont donné leurs livres, il y en a une trentaine, tous ne sont pas là, parce qu'il y en a qui vont arriver, mais bon, qui seront lus aussi. C'est-à-dire qu'on a environ une quarantaine d'auteurs qui seront présentés après-midi, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et que dire de plus? Eh bien, peut-être un petit mot de Pierre Claudel, qui est à l'origine du tiers-lieu, quand même. Oui, pas seul, parce que c'est comme un peu tout dans ces histoires-là, c'est des aventures collectives. Et il y a beaucoup de gens qui ont... qui sont lancés dans un projet un peu utopique il y a déjà pas mal d'années de ça. C'était dans les années 2020, les années Covid, si ça rappelle des choses à certains. Et c'est vrai qu'au départ, la chose paraissait totalement surréaliste et totalement utopique, c'est le cas de le dire. Ce lieu fonctionne avec, depuis le départ, la volonté d'être un collectif. Et ce qui fait vivre ce lieu, c'est le fait effectivement d'être à plusieurs. Il y a 6 associations qui ont monté ce lieu, qui l'animent, qui le font vivre. L'UEV aujourd'hui, avec cette manifestation, en est une preuve évidente, c'est-à-dire c'est un mode aussi de fonctionnement, ce n'est pas que financier, c'est aussi amener des animations, amener des idées, amener des projets. Et l'idée ici est vraiment que ce lieu soit le plus ouvert possible à tous. Et c'est aux gens, à vous, de venir faire de l'animation ici. C'est-à-dire que ce lieu, en fait, il ne nous appartient pas. Il appartient à tous les gens qui viennent ici. Et l'idée est vraiment là que c'est les gens qui viennent qui doivent faire vivre ce lieu. Parce que sinon, des lieux avec des organisations, ça existe déjà. Ils ont leur légitimité. Nous, on a cette option d'être ouvert sur l'extérieur et de dire que c'est aux gens de venir faire l'animation de ce lieu. Alors même si nous, toutes les associations, les 6 associations du collectif, je me permets juste de les citer parce qu'elles ont toutes participé à ce grand week-end et aussi à cette inauguration. Il y a Réseau d'être, il y a Épinal en transition. Tant, on va les applaudir. Oui. Réseau d'être, bravo. Ouais. Bravo! Épinal en transition. Bravo! Alors ça me fait que je comprends. C'est petits débrouillards du Grand Air. Bravo! L'UEV. Bravo! Troisième rive café associatif. Bravo! LCCFD Terre solidaire. Bravo! Bravo! Et chacun, à sa façon, apporte sa contribution à cette aventure. Un dernier petit point, et puis après, je passerai la parole à d'autres. Mais ici, il n'y a que des bénévoles. C'est aussi une des forces de ce projet. C'est-à-dire que, autant c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup, par exemple, de problématiques de subventions, etc. On a cette chance de ne pas en dépendre. C'est-à-dire que le choix de départ, qui était un peu difficile de dire... on fait simplement avec les bénévoles qu'on a. Donc des fois, on est un peu restreint dans ce qu'on voudrait dans nos projets. Mais ça a été une volonté qui restait affirmée d'être une action bénévole, entre guillemets citoyenne, mais surtout ouverte à tous. En tout cas, merci pour tous d'être venus ici, de découvrir ce lieu. Et puis, on compte sur vous pour le faire vivre aussi. Merci. Bravo! Alors, nous avons quand même des excuses de monsieur le président du conseil départemental, François Vanson, de monsieur le maire, qui passera, qui est passé. Il est passé hier, le maire ? Non. Qui passera, il va passer aujourd'hui, alors. Qui passera, du sénateur Jean Ingret, qui passera. Il va passer. On n'a pas la... Pour ce qui est... Nathalie Babou s'excuse. Ah bon. Mais je suis en train de lui dire qu'elle peut passer. Elle peut passer. Voilà. Alors, encore merci Madame Bellal de représenter les officiels de cet événement. L'UEV a rejoint la tribu, ce qu'on appelle la tribu, c'est-à-dire ce collectif, l'année dernière, du fait de nos actions, encore hier soir, qui sont les scènes ouvertes et les ateliers d'écriture, menés notamment par Morgane et par Cédric. On avait encore une cinquantaine de personnes hier, ici, dans une soirée très, très animée, et très créative, où d'ailleurs les gens qui sont sur la scène sont autant des écrivains même s'il ne publie pas, bon voilà, vous êtes écrivain à partir du moment où vous écrivez, et c'est notre devise à l'UEV. Voilà. Donc, j'ai peut-être le bras tendu de Cédric. On va passer devant. Voilà, on va officiellement, alors, les ciseaux étaient là. Mais c'est Madame Bellal. Je ne suis pas prêt. Hein. Voilà. Voilà. On est en photo le coussin. Attention, moment officiel. Roulement de tambour. Et qui sera retransmis à certains organes de presse, quand même. Ouais. Merci. Il coupe. Bravo. Bravo. Vive la Vosgiothèque. Et donc, je vous convie maintenant de nous retrouver. Attends, tu as quelque chose à dire? Oui, il faut dire. Ah, j'ai oublié aussi de parler des. De ça et de ça. Oui, oui, mais bien sûr. Vas-y, ça, maintenant, on peut parler, mais vas-y. Nicolas a déjà présenté ça? Présenté. Vas-y. Nicolas, tu veux présenter. Le trombinoscope. Le trombinoscope? Oui, parce qu'il est encore à continuer. Oui, alors l'UEV, donc l'Union des écrivains vosgiens, ne rassemble pas que des écrivains ou écrivants. Des auteurs, ça peut être des gens qui se sentent concernés par l'acte littéraire en général, aussi bien audiovisuel que poétique, que scientifique, que publication politique, puisque tout est politique, comme disait je ne sais plus qui. On est aujourd'hui 80 environ dans le fichier, donc c'est un début, donc il n'y en a que 11, et encore je n'ai oublié plusieurs qui m'ont été communiqués que hier. L'idée c'est que dans les manifestations comme ici, chaque passant puisse se dire tiens, elle a écrit ça, ceci, cela. C'est complètement un embryon, puisqu'au niveau de la forme, ça ressemble à rien. Il faut que chacun dise ce qu'il veut. C'est super. Merci Nicolas. J'insiste, c'est pas seulement des auteurs, hein. Pas seulement des écriveurs. Hein. J'insiste. Hein. Et la distinction, personnellement, entre publié et pas publié, il faut la mettre à la poubelle. On s'en fout d'être publié. C'est ça. Oui. Ce qu'il faut, c'est écrire. Exact. La distrie aujourd'hui, on sait bien que le monde de l'édition est pourri pour différentes raisons que je ne rentre pas. Mais il faut arrêter de dire il y a les nobles et les roturiers. Oui. Arrêtez. Très juste. Très bien. On écrit. C'est justement la vertu des ateliers d'écriture. Ben voilà. J'aimerais faire une photo, peut-être mettre un peu plus proche, s'il te plaît. Oui. Oh, t'as ma bouille là, t'as qu'à grossir ce gros plan sur le milieu. Là. Ah mais j'aimais bien quand tu montrais. Oui. Là tu fais un montage. Voilà. Moi je ne suis que le bras armé du président. Hein. Justement il fallait le cerveau c'est lui. C'est hein. L'armée. Oui. Excusez-moi, parmi les auteurs présents, je n'avais pas reconnu. Enfin, elle vient d'arriver. Alix Sylvestre, voilà. Qui est. Bravo. Qui nous laissera aussi, qui interviendra aussi après-midi dans les présentations d'auteurs. C'est Morgane qui va nous en parler. Avec nous. Mettre à côté, donc sur différentes thématiques. On organise aussi des scènes ouvertes à laquelle on peut exprimer ce qu'on a écrit, notamment lors des ateliers. Et là, on a fait un atelier passant, en fait, on appelle ça un atelier plaquette. Le but, c'est que chacun écrit un texte et il le dépose et les autres personnes lui répondent. Donc, répondent au texte, font des réflexions sur ce qui a été écrit et tout. Donc, on a fait ça ce matin, donc on a décidé de l'exposer. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et lire ce qui a été marqué. Et on se répond les uns aux autres. C'est un dialogue d'écriture sur le thème de l'eau. Super idée. À partir de la phrase, d'une des phrases de Jean Genot, la vie c'est de l'eau, si tu serres le poing tu la perds, si tu l'ouvres tu la gagnes. Voilà, Jean Genot que j'ai connu en 66 d'ailleurs, qui m'a amené ici. Mais c'est une autre histoire qui m'a amené dans les Vosges. Bon, bref, pour terminer, oui, c'est une technique qu'on a empruntée à un groupe d'écriture. Ami, je dirais, qui s'appelle La Langue de Travers, qui faisait des ateliers au Centre culturel, et on en a fait un commun, Madame Bellal, au Centre culturel, il n'y a pas longtemps, et il est possible qu'on en refasse des communs, parce qu'ils sont maintenant sur Saint-Dié, plutôt qu'Épinal, mais avec nous, qui sommes bien présents sur Épinal, on continuera aussi au Centre culturel, qui est un de nos centres culturels. Voilà, c'est d'autres interventions, d'autres... Je crois qu'on a tout dit, hein. Oui, bah oui. Ouais, et donc... le but maintenant, c'est d'aller... Et se restaurer. Se restaurer, alors, quoi. Merci. Sans alcool, puisque l'eau est là. Oui. Merci à Christine. C'est pour ça que les élus ne sont pas venus. C'est pour ça que les élus ne sont pas venus. Mais tu parles de qui? Alors, vous avez des assiettes et des couverts là-bas. C'est dînatoire. Hein. Et puis votre bord, vous servez comme vous voulez. Là, c'est des kirs sans alcool qui sont faits à base d'eau pétillante et de sirop. Donc si vous en voulez, on peut ressortir le sirop et l'eau pétillante. Autrement, il y a des kirs pétillants. C'est plutôt pétillant, là. Voilà. C'est la vie pétillante. Voilà. Et autrement, il y a de l'eau plate, et puis vous avez des petits orcas, là, partout. Et des crudités, parce que... Par contre, je ferme ma veste, parce que je suis venue en mode jogging, tu vois, en mode... Je suis quand même passée pour vous voir. Ah oui. Pour voir la granothèque, c'est oui. Génial. Donc, pour le dînatoire, l'apéro dînatoire, merci à Morgane et Christine qui se sont... Et voilà. Après un succulent apéritif dînatoire, merci Christine, merci Morgane, eh bien nous avons eu les mets spirituels autour de ce cercle des poètes réapparus, véritable cercle qui s'est constitué avec une cinquantaine de participants, enrichi parfois de personnes qui passaient, qui étaient attirées par cette manifestation exceptionnelle. Donc, nous aurons donc successivement, et par tiré au sort, tiré par le chapeau, les écrivains que je vais nommer, en commençant par Olivier Dicary, à qui je dois des excuses, puisque le temps un peu lent de la mise en route de mon micro a fait que je n'ai pas eu le début de sa chanson, que... nous retrouverons ultérieurement ou autrement, bien sûr, Olivier. Alors, Olivier Dicary, le troubadour, Ginette Walter, Cédric Prévost, Alix Sylvestre, Jérôme Bonnet, Joseline Marie, Marjolaine Pochet, Francis Cuny, Marie Loubrec, Florent Bouzouane, Élodie Déhel et Mamalou Sialou Koulibaly, qui intervient et qui sera lu aussi par Alix Sylvestre. Cette séquence des auteurs a été complétée par l'arrivée de Dominique Andrès, adjoint au maire d'Épinal, qui a réinauguré la Vosgiothèque, en quelque sorte, après la première inauguration le matin par Madame Khadija Belal, présidente du Centre culturel d'Épinal. Voilà. Et tout ceci se terminera par le concert de Jeff, Jean-Philippe Vautier, qui est l'ancien chanteur de Tournée Générale, et que nous allons donc écouter dans une bonne partie de son concert, suivi cette fois-ci par une trentaine de personnes, pas tout à fait les mêmes que l'après-midi, c'était encore un public différent, qui est venu se baigner dans la poésie, les élans, la générosité de Jeff, qui, parfois à la guitare, évoque un peu Renaud, parfois au piano, évoque un peu, pour moi, Léo Ferré. Voilà. Eh bien, bonne écoute pour toutes ces séquences qui suivent et qui sont témoins de l'union des écritures et des écrivains vosgiens. Donc, débute cet échange dans le cadre de l'inauguration de la Vosgiothèque par l'Union des écrivains vosgiens. Donc, voici donc les auteurs présents qui vont, par ordre aléatoire, nous faire part de leurs extraits succulents. Voilà. Et Pierre-Olivier, à toi. Bon, je ferai la main innocente, même si... tu n'es pas innocent. Si, si, tu as été innocenté. Oui, pas du reste. Hein. Oui. Tu es innocenté, mais tu n'es pas innocent. Oui. Voilà. Alors, j'appelle Olivier Dicari. Et pas après pas, sur un chemin aride, libre à servir, chemin bordé de ruses, mais où veille ta muse, où parfois l'amour fuse, chemin que le pas use. La mort n'existe pas, la mort n'existe pas. Un pas, encore un pas, et c'est la vie qui n'y m'arrêterait pas. C'est l'immortel esprit qui te convie à des noces exquises. La terre est la promise, la table est déjà mise. Amour est la devise. La mort n'existe pas, la mort n'existe pas. Bravo. Merci. Merci. Je ne sais pas si pour le temps ou... Ah oui. Donc, pour la suite... C'est un extrait de ce petit fascicule, prophétie pour l'avènement d'une humanité nouvelle. Donc c'est la suite un petit peu logique. Je suis l'amour et le partage. Je suis un fou, je suis un sage. Je suis le papillon qui vole au gré du vent, mais... non frivole. Je suis la brise du matin, légère, aux brumes de satin, douce caresse parfumée, goût du souvenir exhumé. Je suis le soleil éternel, qui fait tous êtres fraternels, qui toujours égal à lui-même, ne sait que proclamer « je t'aime ». Je suis un champ de blé, que mûrit le feu de l'été, que la main viendra moissonner, main que le cœur a façonnée. Et la nature est économe. 5 épis reviennent à l'homme. 1 épi pour l'être diptère, l'autre épi retourne à la terre. Je suis, oui, la blanche farine, la pâte au creux de la terrine, et je suis la main qui pétrit. Le vin... du pain, je suis l'esprit. Je suis une onde murmurante, intarissable et vivifiante. Le sang précieux et incolore des univers multicolores. Je suis le regard de l'enfant qui s'émerveille en s'éveillant. L'âme que la beauté ravit infiniment. Je suis la vie. Je suis un fou. Je suis un sage, je suis l'amour et le partage. Bravo. Malinon. Moi, ça sera beaucoup moins bien, je vous le dis. On se ne juge pas. Oui. Ginette Walter. Ah ben voilà, Ginette. Tiré de mon livre Escapade et voyages, les soquettes en balade. Non, c'est... Le premier s'appelle Les soquettes rouges, c'est une autobiographie. Nouvelle-Calédonie, le Caillou. Vendredi 29 avril 2005, départ Nancy, 13h17. Voilà, je passe, décollage prévu 23h25 à Charles de Gaulle, Roissy. Comme j'ai largement le temps avant le décollage de mon avion, je prends le métro et arrive à Roissy Charles de Gaulle vers 19h, terminal 2F. Je grignote mon sandwich sur fond d'annonce au nom évocateur. Dubaï, Johannesburg, j'aime cette ambiance magique des aéroports qui nous transporte déjà vers le rêve, l'inconnu, l'aventure, l'ailleurs. Cette fois, ma destination est plus lointaine puisque dans quelques heures, je vais m'envoler à quelques 22 000 km vers la Nouvelle-Calédonie. On est là maintenant parmi la foule des passagers. Ce voyage, on l'a rêvé, puis on l'a décidé, puis on l'a préparé. Une sorte de soulagement, de paix nous habite, mais aussi un peu d'excitation, de stress. On vérifie avec un rien de fébrilité si on a bien tous ses papiers, histoire de s'occuper un peu et de se rassurer tout à fait. Pour le reste, c'est une autre histoire. On s'en remet totalement aux commandantes de bord. La petite peur au ventre grandit en même temps que le bruit des moteurs qui va crescendo au décollage. Délicieuse sensation d'exister pleinement et que tout pourrait s'arrêter là. J'imagine que la plupart des passagers éprouvent à peu de choses près les mêmes sensations. Ah, vertige, ivresse des voyages. Nous attaquons notre deuxième nuit de vol. Morphée doit être occupé ailleurs. Je constate amèrement au fil des heures qu'il y a peu de chances que je connaisse le réconfort de ses bras. Quelques instants d'assoupissement, tout au plus. Pas mal de turbulences. Et quand je pense à toutes ces eaux au-dessous de moi, océan Pacifique, mais quand même. Je passe une bonne partie de la nuit à zapper. Comme le témoignent les veilleuses restées allumées, ça et là, je constate que je ne suis pas la seule. Cette fois, sur le siège avant, une mini-télé avec un programme un peu varié. Une odeur de soupe chinoise flotte dans l'air. Soupe instantanée que l'on peut se préparer au bar. Je retrouverai cette même odeur au retour. À côté de moi, je fais la connaissance d'une charmante jeune fille qui va retrouver son fiancé à Nouméa. Ils sont tous les deux mécaniciens d'hélicoptère. Il est près de 7 heures du matin en ce dimanche 1er mai. À cet endroit de l'avion, à l'arrière, il n'y a que deux sièges. Elle occupe le siège près du hublot. En me penchant un peu, j'aperçois la barrière de corail, longue ligne blanche, sur cette immensité bleue. Dans quelques instants, ce long voyage va prendre fin et nous allons atterrir sur le Caillou. Merci. Ce que je disais ce matin, justement, au moment de la présentation, c'est que les ouvrages que j'avais pu écrire étaient davantage écrits dans un contexte scientifique. Et donc, très souvent, en fait, ce sont des contributions partagées avec d'autres. Et ici, je vais vous proposer, et c'est Francis d'ailleurs qui m'y a fait penser ce matin, en parlant justement de sa scolarité, je vais vous partager la postface que j'ai faite d'un ouvrage collectif écrit par des enseignants et des chercheurs qui s'appelle « La pédagogie Freinet, de la maternelle à l'université », en lien également avec mon second métier qui est celui d'enseignant. Donc c'est la postface que je vais vous proposer ici. Une postface, c'est d'abord une ouverture. Elle pose de nouvelles questions apparues en cours de lecture, elle les reformule. Elle les resitue dans un contexte pédagogique particulier. Ici, c'était l'école française en 2021. Comme dans toutes les écoles du monde, nos cours de récréation, nos préaux, nos classes, ont accueilli des visages souvent masqués, des corps tenus à distance, des gestes nommés barrières. Si la pandémie a bouleversé nos conditions d'exercice, elle n'a pas pour autant éteint nos pratiques, bien au contraire. Les témoignages et réflexions de praticiens et praticiennes qui composent cet ouvrage montrent combien la mise en œuvre d'une pédagogie coopérative est un cheminement, un tâtonnement, un processus fait d'échecs et de réussites, de doutes et de moments champagne. De ce cheminement découle une véritable philosophie d'action, une praxis, qui, quelles que soient les conditions d'exercice, peut se déployer. Durant cette année exceptionnelle, ponctuée par 3 confinements, cette philosophie d'action a posé les jalons d'une réflexion pédagogique d'ensemble qui sécurise tous les acteurs de la communauté éducative, de l'enfant à l'enseignant en passant par les familles. En témoigne l'exemple du plan de travail, contrat existant qui peut offrir un cadre connu de tous pour le travail scolaire, y compris en période de confinement. Parce que la mise en œuvre d'une pédagogie coopérative est un cheminement, elle demeure un processus collectif, partagé, coopératif. Même s'ils peuvent sembler synonymes, chacun de ces mots compte. Face à la complexité de l'action éducative, nous pensons en tant que mouvement, y compris pour l'avoir éprouvé nous-mêmes, que seul le groupe permet le développement professionnel des enseignants engagés en pédagogie Freinet. Nous pensons que seul un groupe d'enseignants, à l'ISEM, beaucoup d'entre nous œuvrons dans des groupes départementaux, il en existe un dans les Vosges, permet l'accompagnement de chacune et chacun. Le tâtonnement expérimental des enseignants, c'est-à-dire le démarrage professionnel, sécure, en pédagogie. À l'instar du forgeron forgeant pour forger, visible sur le logo de l'Institut coopératif de l'école moderne Pédagogie Freinet, de l'enfant trébuchant pour marcher, nous pensons que c'est par l'expérience et le partage, le pas à pas pédagogique, qu'un enseignant entre en pédagogie Freinet. Fernand Houry, compagnon de route de la pédagogie Freinet, dans un art si singulier de la formule, invitait chacun à faire œuvre de vérité, je cite, « ne rien dire que nous n'ayons fait ». Fin de citation. L'histoire d'une classe coopérative, c'est en effet celle de l'élève qui apprend, des élèves qui apprennent d'eux, de l'enseignant qui apprend, découvre, redéfinit son métier. Une postface, c'est ensuite un témoignage. De la maternelle à l'université, des collègues, que nous nommons des praticiens-chercheurs, des praticiennes-chercheuses, expérimentent des techniques Freinet, cheminent vers des pratiques coopératives. Cette éthique, on la retrouve dans chacun de nos textes qui ont un dénominateur commun, les invariants. Et cet objectif qui nous anime, l'envie, celle des élèves est la nôtre. Une postface, c'est enfin un engagement. L'engagement de conclure un ouvrage sans conclure une œuvre. Poursuivre la brèche ouverte par d'autres, maîtres et maîtresses, de ville, de quartier ou de village, de porter par l'action le flambeau de l'éducation populaire, de l'école du peuple. Ne jamais oublier la question sociale et politique de la précarité, exacerbée par cette crise sanitaire. Ouvrir les portes de l'école à tout à chacun ou tout à chacune, à chaque famille, dans le seul dessein d'une société des enfants respectueuse de leurs droits. S'engager dans une pédagogie émancipatrice comme la pédagogie Freinet, c'est faire le choix d'une action et d'une éthique, sans perte de vue, les conditions économiques et sociales de cet acte, de l'apprendre et de l'agir. Élise Freinet dit, je cite, il n'y a pas de pédagogie sans que soient remplies les conditions économiques favorables permettant l'expérience et la recherche. Fin de citation. Oui, Ah bah oui. Cédric. Attends, je vais. Ça y est, ça commence. Ah non, ça commence pas. Non, tu pourrais rappeler, s'il te plaît, un peu qui est Freinet? En trois, quatre mots, rapidement, Célestin. Oh ouais. Oui, c'est Célestin Freinet, c'est un enseignant du début du XXe siècle qui est engagé en tout début de carrière à 14. Il est vraiment envoyé comme une chair à canon et il est vraiment en réflexion par rapport à ce qu'on va appeler ensuite l'éducation nouvelle. Et il va mettre en place en fait dans sa classe une coopérative scolaire, un système autogestionnaire. Et en fait, plutôt que d'avoir du bachotage à travers des manuels scolaires, il va mettre en place véritablement le texte libre et l'imprimerie scolaire, où en fait les enfants vont en fait écrire eux-mêmes des journaux scolaires. Les journaux scolaires qu'on peut aujourd'hui avoir encore aujourd'hui, ou les blocs de classe, ils existent en grande partie grâce à Célestin Freinet. Et Célestin Freinet a créé en fait un courant qui s'appelle l'Institut coopératif de l'école moderne, une association qui existe encore aujourd'hui à l'échelle internationale et qui réfléchit effectivement à cette question d'une pédagogie coopérative émancipatrice où l'enfant n'est pas seulement un réceptacle à savoir, mais est aussi véritablement auteur de ses choix et de ses décisions et citoyen avant tout. On n'attend pas 18, 16 ou 14 ans pour être citoyen. On l'est dès qu'on vient au monde et on peut créer une société des enfants. C'est un petit peu la discussion qu'avait Freinet aux côtés d'autres également promoteurs, on va dire, de l'éducation nouvelle, même si il y a eu énormément y compris de discussions au sein de ce courant. On est début 20e. Et est-ce que Freinet est lié? Alors j'ai une autre question. Mais si, ça me semble. Bon, je me tais alors. Vas-y, Flo. Mais moi je trouve que c'est important. Oui, allez, vas-y. Je te dis que ça ne s'adresse pas forcément à l'auteur de cette poste. Ah oui, je m'adresse à toi. Tu parles de Freinet. Ouais, non, mais moi c'est pour toi que je pose la question. Vas-y. Évidemment, la question m'intéresse aussi. Voilà. On se voudrait savoir. Parce que tu dis que c'est juste après la guerre de 14, et donc il a été à la guerre et tout, comme d'autres, des millions d'autres, enfin des milliers. Est-ce qu'il est lié intellectuellement au mouvement ouvrier et socialiste? Ah oui, assurément. Assurément. En tout cas, il a été viré dans le cours du XXe siècle du Parti communiste. Mais en tout cas, pour les raisons. Il en a fait partie avant. Comment? Pour en être viré, c'est qu'il en a fait partie. oui, il en a fait partie. En tout cas, c'est beaucoup plus un lecteur de Marx ou un marxien qu'un marxiste. Mais en tout cas, il y a une véritable réflexion effectivement autour des liens entre politique et pédagogie. Il était exclu du Parti communiste. Oui. Ah, oui, oui. Merci Florent. Maintenant, Jérôme Bonnet. Alors, moi j'ai choisi aujourd'hui, puisque on était sur le thème de l'eau, j'ai choisi de vous lire un chapitre d'un de mes derniers livres qui s'appelle Brume, que vous trouverez là, notamment un passage du chapitre 2 qui s'appelle, que j'ai intitulé Le messager silencieux. Ça se passe aux alentours de Vecoux, avril 2025. Et ce livre parle du harcèlement dans toute son envergure et l'eau y a toute sa place en fait. Voilà. Plongé dans une rêverie aussi fluide que le courant qui coulait devant lui, Gilbert se laissait son regard errer sur les berges, cherchant comme à son habitude la présence mythique de la Dame Verte. Cette créature légendaire des folklores lorrains, esprit tutélaire des rivières et des forêts, semblait parfois danser entre les ombres des saules et des peupliers. Son esprit vagabondait entre le présent et ses souvenirs, déjà tout vibrant à l'idée de la fête municipale qui se préparait. Dans quelques heures à peine, il serait témoin de l'une des traditions les plus chères à son cœur. Les courses de Changolo. Ces fragiles embarcations construites par les enfants héritières d'une pratique ancestrale intimement liée au cycle de la nature. Ces petites embarcations de fortune n'étaient pas de simples jouets, mais des symboles vivants. Elles représentaient la renaissance, le perpétuel recommencement que le printemps incarnait chaque année. Leur création était un rituel, assemblé avec des morceaux de bois récupérés, des boîtes de fromage ou encore de vieux bidons, de tout ce que l'enfance pouvait transformer en instruments de rêve et de jeu. Combien de fois durant son enfance avait-il lui-même construit ses frêles navires, les lançant sur la Moselle avec l'insouciance et l'espoir que seule la jeunesse peut porter? Ces changolos étaient plus que des jouets, ils symbolisaient la fonte des neiges, le dégel, la promesse d'un nouveau cycle, l'éternel recommencement de la vie, peut-être même la révélation de secrets enfouis par l'hiver avant d'être rejetés par les rivières et les torrents tumultueux qui sillonnaient les reliefs. Sa retraite n'avait fait qu'attiser sa curiosité pour les mystères qui sommeillent au cœur des traditions populaires. Passionné par l'ethnographie locale, Gilbert avait longtemps exploré les rituels aquatiques de différentes régions, découvrant un univers bien plus complexe que les simples récits de surface. Certaines pratiques ancestrales lui avaient véritablement glacé le sang. L'eau dans ces rituels anciens n'était pas seulement source de vie, mais aussi théâtre de cérémonies obscures où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts semblait singulièrement poreuse. Des traditions où l'élément liquide devenait un passage, un messager, parfois même un juge silencieux. Il pensait transmettre ce patrimoine à ses petits-enfants, non pas comme un simple récit folklorique, mais comme la mémoire vivante d'une humanité qui a toujours cherché à donner un sens au mystère qui l'entoure. La roue des traditions continuait de tourner, implacable et poétique, perpétuant des savoirs aussi anciens que l'humanité elle-même. Dans sa vallée, il avait toujours perçu l'eau comme une mélodie de renouveau et de joie, une symphonie de vie rythmée par les saisons, par les passages du temps. Les rivières racontent des histoires, portent des mémoires, transmettent des secrets de génération en génération. Jusqu'à l'arrivée de ce convoi funèbre qui était venu troubler sa vision idyllique. La rivière, témoin silencieux, continuait de couler. Immuable et changeante à la fois, elle portait en ses flots l'éternel mystère de l'existence, la capacité de tout transporter, de tout transformer, sans jamais perdre son essence première. Ce qui lui parut d'abord être un simple tronc arraché aux entrailles de la rive, se révéla rapidement comme une vision bien plus saisissante. Sa gorgée de café jusqu'alors réconfortante devint soudain amère, se transformant en une libation involontaire sur les galets polis, témoin silencieux de ce spectacle étrange. À quelques mètres de lui, un corps humain dérivé, animé par les courants de la rivière comme une étrange marionnette abandonnée. Un fragile bateau de papier l'accompagnait, poussé inexorablement par les flots, semblable à une âme cherchant son dernier refuge. Une simple ficelle les reliait. Ce fil d'argent, devenant la métaphore même de l'existence humaine. Un lien ténu et fragile entre la matière et l'esprit, entre ce monde et l'au-delà. Cette connexion fragile symbolisait peut-être notre condition, suspendue entre la vie et la mort, entre la réalité tangible et l'inconnu, maintenue par un fil si fin qu'il pourrait se rompre à tout instant. La composition était saisissante. Un corps et son fragile bateau de papier formaient un tableau qui transcendait l'horreur initiale pour atteindre une dimension presque poétique. Point de nocher funeste pour guider ce passage, mais la rivière elle-même, seule conductrice de ce voyage vers l'inconnu. Chaque ondulation semblait raconter une histoire universelle. Les mouvements fluides du courant devenaient une métaphore parfaite de l'existence humaine. Continue et discontinue à la fois. Changeante, mais constante, la rivière, dans sa capacité à tout transporter sans jamais perdre son essence, reflétait notre propre condition mortelle. Gilbert comprit alors que ce qu'il observait dépassait largement un simple événement physique. Ce n'était pas seulement un corps dérivant, mais une méditation vivante sur la nature du passage. L'existence humaine se révélait dans toute sa fragilité, éphémère comme le bateau de papier, fragile comme le fil qui le retenait, mais porteuse d'une dignité mystérieuse et profonde. Dans ce tableau, le courant continuait son œuvre, indifférent et pourtant essentiel. Chaque mouvement rappelait que la vie et la mort ne sont que deux rives d'un même fleuve, deux états d'un même voyage. Le mystère n'était pas dans la destination, mais dans le trajet lui-même. Dans ce moment suspendu, Gilbert devint témoin de l'un de ces instants rares où la frontière entre le visible et l'invisible devient terriblement perméable. La rivière, gardienne de secrets millénaires, poursuivait sa course, emportant avec elle les traces fugaces de l'existence humaine. Vraiment dans le thème de l'eau. Là. Alix Sylvestre. Thème de l'eau, les deux héros de cette histoire sont sur une péniche. Deux êtres blessés. Une femme qui a fui son foyer qui n'en était plus un, puisque elle avait découvert que son mari avait pris comme maîtresse sa meilleure amie. Et lui, homme blessé, sa femme est morte d'un cancer. Et donc, il est sur une péniche, et cette femme qui fuit, elle va le choisir parce qu'ils avaient déjà échangé, et parce que la péniche est garée dans le port. Et les voilà embarqués tous les deux. Mais ce n'est pas un roman d'amour, un roman à l'eau de rose. Ce sont deux êtres qui vont s'écouter, partager leurs blessures, partager un peu d'amour. Et les questions ne tardent pas à se poser entre eux. Levé bien avant elle, il se fait un café, comme si c'était le dernier, et l'avale vite. Visiblement pas envie de le partager. Il sait qu'elle est réveillée. La cafetière italienne qui crache de délicieux petits noirs fait tellement de bruit. Après avoir fait semblant de lire, elle s'était couchée dans sa niche hier soir. Parfois, elle prend un livre pour cacher qu'elle ne fait rien que lire dans ses propres pensées. Christophe est resté longtemps sur l'ordinateur. Peut-être était-ce aussi pour faire croire qu'il travaillait. Sa boîte lui envoie des trucs à faire pour qu'il ne perde pas la main. Ses associés, dit-il en parlant de ses collaborateurs, la boîte est dirigée à trois. Au milieu de la nuit, il a poussé le chien, est venu contre elle, a juste passé son bras en ceinture. Elle l'écoutait respirer et souffrir. Elle ne pouvait rien, juste être là, sans dire, sans bouger. Le piquet de fortune auquel on s'amarre. Taciturne, il refait deux cafés, comme s'il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait dans le premier. Cherche le lait, il n'y en a plus, il s'assoit, pose les deux bols rouges et la haie. Café ? La voix est terne, elle se sent comme la chienne qu'on appelle pour la gamelle. Obéissante, elle le rejoint, s'assoit en face. Il évite son regard. De toute évidence, il préférerait être seul. Pour broyer son noir, pour le bien broyer, faut être seul, lui a-t-il confié un jour que ça allait bien. J'ai encore du noir à broyer, du noir. Est-ce que cette matière a un rapport avec les trous noirs, ces fameux orifices qui donnent sur l'ailleurs? Un sursaut de dignité la redresse. Elle ne veut pas, une fois de plus, s'effacer, se soumettre à l'ambiance délétère qu'il vient de créer. C'est lui qui lui a dit « Affirme-toi, t'as encore un peu de temps avant tes 70 balais. Une petite vieille en forme de serpillière ne devient jamais ça. Je ne serai plus avec toi pour te le dire. » Ses propos avaient quelque chose d'humiliant, mais elle s'était tue. Elle ne se courbe pas, elle défie, parce qu'elle n'a pas mérité cette offense matinale. Ce n'est pas elle qui lui a fait mal. Elle ne veut pas éponger sa souffrance. Il l'a mise en garde. Si un jour je te fais penser à Richard, barre-toi. Et le titre du roman. La femme au chien jaune. Roselyne, Marie. L'histoire d'Abel. Quand je suis arrivée, un matin à l'aube, il était en train de traire ses vaches dans l'étable. Je me suis approchée timidement de lui. Il était la tête posée dans le flanc de la vache, en train de presser les treillons pour tirer le lait. Il ne m'a pas entendue tout de suite. Je l'ai regardé. Il était dans ce qu'il faisait, concentré, en lien avec sa vache. C'est comme si tous les deux étaient reliés. Elle offrait son lait et il lui offrait son amour. Le chat passa par là, frôlant le mollet de Gaston. Gaston releva la tête, un air joyeux. C'est là qu'il me vit. « Ah, mais ça fait longtemps que vous êtes là ?»« Non, je vous observais. »« Que voulez-vous, jeune homme ?»« Eh bien, je cherche un ouvrage, un toit et de quoi manger. » Gaston remit sa tête sur le flanc de la vache en disant « Attendez un instant. » Il acheva de traire Marguerite, se leva, ôta le seau de lait, prit sa mancelle et sortit de la stalle. « Il me reste deux vaches à traire. Veux-tu t'occuper de Rosette ?» Elle est douce et son pis est agréable. Oui, avec joie. Je pris un tabouret accroché au mur, un seau et m'installai au pied de Rosette. Je n'avais pas encore touché le pis d'une vache, ni même approché de si près. Viens, me dit-il, regarde, Rosette t'attend. Assieds-toi, pose ton seau bien au-dessous du pis. Prends un treillon dans ta main, enserre-le et presse avec tes doigts. Tu vas ressentir en appuyant fermement par petits à-coups le lait arriver. C'est un geste à prendre. Dis à Rosette que tu n'as jamais fait ça. Tu peux lui parler de cœur à cœur, c'est mieux. Rentre en lien avec elle et dis-lui comment tu vis cela. Elle va t'apprendre, te comprendra et t'aidera. Et Gaston rejoignit Marmotte qui attendait impatiemment son tour. Je n'étais pas très rassurée, mais j'avais envie de réussir. Depuis tout petit, je rêvais de devenir paysan. J'avais à l'école un camarade dont les parents avaient 5 vaches. Il me racontait toujours qu'il aimait se lever tôt avant d'aller à l'école, pour passer un peu de temps dans l'étable, pour sentir l'odeur des vaches, les écouter, respirer profondément, les entendre mâchouiller le foin, ruminer, et surtout quand elles étaient couchées, elles semblaient ailleurs. Rosette était calme et je treillais tout heureux. Cela me semblait facile. Gaston se leva, car il avait fini de traire Marmotte, et vint me rejoindre après avoir vidé le lait dans le bidon. « Tu t'en sors bien. Merci. Veux-tu rester ici quelque temps? L'hiver est bientôt terminé. Le travail dans les champs ne va pas tarder. Ça te dirait d'essayer de travailler avec moi? Je te propose les repas, le coucher et quelques sous d'argent de poche pour commencer. » J'avais 17 ans. C'était mon premier travail. Je dis oui d'emblée. « Viens voir Jeanne, ma femme. Tu verras, c'est une perle. Elle fait à manger comme personne. Elle est douce et sera heureuse de te rencontrer. » J'étais intimidée et en même temps tellement heureux. Nous arrivâmes à la maison. Jeanne avait servi le petit déjeuner. « Jeanne, dit Gaston, regarde qui vient là. Je te présente Abel. Il est arrivé tout à l'heure dans l'étable. Il a trait Rosette. Abel cherche du travail. Veux-tu bien qu'il déjeune avec nous? Nous allons causer ensemble. » « Bonjour Abel. Bonjour madame. Appelle-moi Jeanne. Assieds-toi. Si Gaston t'invite, c'est bien qu'il a senti en toi quelqu'un de bien. Prends place à notre table, nous partagerons. » La table était pourvue de plein de bonnes choses. Jeanne avait fait le beurre, le fromage et l'odeur du pain fait frais embaumait la maison. Je m'asseyais, le cœur plein de joie. Jeanne m'invita à me servir. « Fais comme chez toi. » « D'où viens-tu ? » Je viens du Calvados. J'ai été élevée par ma grand-mère. Je n'ai pas connu mes parents et leur histoire ne m'a pas été contée. Ma grand-mère est décédée et maintenant je suis seule. » Je pense que je vais arrêter là. Merci. Je voulais vous parler aussi de ces jeux de cartes. Ah oui. Donc un jeu qui s'appelle aujourd'hui Invitation à ralentir, avec à l'intérieur 31 cartes. L'invitation, c'est que dans une famille, chacun tire sa carte le matin au lever et aille au bout de la mission, de la petite invitation dans la journée. Et alors, des choses peuvent se passer dans les relations, dans la famille. Et puis, celui-ci, c'est un jeu plutôt pour adultes, pour couples. C'est une boîte à outils de réflexion, de transformation, avec des invitations à réfléchir sur comment on vit les choses. Et ça invite aussi à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit, à nos relations avec soi-même et avec les autres autour de nous. Thank you. Bonjour tout le monde, pour ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour. Donc moi je vais vous lire un extrait de mon dernier roman Sorti du Tartare. C'est un roman fantastique, c'est avec les deux Grecs, mais ça se passe aujourd'hui. Faut que je parle plus fort, c'est ça ? Oui, Sorti du Tartare. Ah, d'accord. Donc le Tartare, pour ceux qui savent pas, dans la mythologie grecque, c'est l'équivalent de l'enfer pour les chrétiens. Mais ça a aucun rapport avec le passage que je vais vous lire là. Non, aucun rapport non plus. Alors, de part et d'autre, des sandales d'Hermès, de petites ailes blanches se déployèrent. D'un coup, elles devinrent lumineuses, d'une lumière telle que Yulia, au regard d'abord attiré par ses étranges chaussures, dut en détourner les yeux. Elle s'aperçut alors qu'il n'avait plus sa blouse de médecin. Elle ne l'avait pourtant pas vu l'enlever. Il réalisa son trouble et lui conseilla de ne surtout pas le lâcher et de retenir sa respiration. Puis il s'élança. Elle se sentit soulevée brusquement, comme dans un sursaut, tirée dans les airs par une force incroyable. De seconde en seconde, elle s'alourdissait, convoquée par le sol qui ne parvenait pas à la rattraper. Il faisait nuit noire et pourtant, c'était à peine si elle voyait les lumières de la ville déjà loin sous ses pieds. Trop loin. Bientôt, l'espace d'un clin d'œil, elle perçut le frottement de plus en plus chaud de l'air contre elle. Pourtant, malgré la température excessive, elle n'était pas brûlée. Hermès y veillait-il ? Tout était blanc autour d'eux. Un blanc bleuâtre, puis pur, puis cotonneux, puis sale et à nouveau bleu. Tous ces blancs ne durèrent pas plus que le reste et très vite, il n'y eut que du noir. Où était-il ? Où l'emmenait-il ? À quelle vitesse allait-il ? Qu'on lui annonce à cet instant qu'ils allaient plus vite que la lumière et elle n'eut aucun mal à le croire malgré ses quelques rudiments de physique qui lui disaient la chose impossible. Sous ses pieds, elle vit alors une masse bleutée gigantesque, qui s'éloignait à vitesse grand V. Elle ne pesait plus rien. Elle comprit qu'il s'agissait de la Terre, qui était déjà loin en dessous. Ils évitèrent de justesse un satellite et poursuivirent leur route sans ralentir. Malgré le vide qui l'entourait, elle n'avait pas froid. Et là encore, elle ne sut trouver d'autre explication que l'attention du dieu qui devait veiller à ce qu'elle reste en vie. Et en effet, bien que seuls ses vêtements recouvraient ses épaules, elle se sentait comme enveloppée dans une bonne couverture chaude. Par-delà la planète, brillant de plus d'éclat qu'elle n'eût pu jamais l'imaginer, la boule d'or, Hélios. Devant eux, se rapprochant tout aussi vite, la lune, Sélénée. Il n'y avait pas le temps de réfléchir, de comprendre quoi que ce soit. Tout défilait trop vite. Le spectacle était grandiose. C'était un voyage qu'aucun être humain n'avait fait avant elle, et chaque seconde se gravait au diamant dans sa mémoire. Sélénée, cette magnifique masse grise et sombre qui, ici, ne reflétait pas les rayons d'Hélios, se rapprochait, inexorable. Yulia grossissait encore sans qu'il ralentisse. Pardon, j'ai sauté une ligne. Yulia crut tout d'abord qu'ils allaient s'y poser, puis, comme l'astre grossissait encore sans qu'il ralentisse, elle craignit qu'il ne s'y écrase. Elle regarda Hermès. Il ne semblait d'aucune façon troublé, paraissant savoir où il allait. Ses pieds à lui étaient toujours enveloppés d'un halo de lumière irradiante. Au grand soulagement de Yulia, ils dépassèrent Sélénée et prirent davantage de vitesse, comme propulsés par elle. Avant que Yulia ne s'en rende compte, la Terre n'était déjà plus qu'un petit point bleu loin derrière eux, de plus en plus loin. Ils étaient partis depuis un peu moins d'une minute lorsqu'ils passèrent à côté de Mars. La jeune femme retenait toujours son souffle et Hermès se rendit compte que cela commençait à lui être difficile. Il accéléra de nouveau. Sans qu'elle ne se rende compte de rien, ils franchirent bientôt la ceinture d'astéroïdes et se retrouvèrent dans le système solaire externe. Le soleil était loin, point jaune tout juste lumineux. Quant à la Terre, ils allaient bien trop vite pour qu'elle pût distinguer le grain de poussière qu'elle était devenue. Ils passèrent à proximité d'astres plus petits qu'elle vit à peine. Une masse énorme se tenait devant eux, ravissant l'espace et le temps de mille ocres chatoyants. Yulia recommençait à peser, un poids énorme comme si elle était écrasée par elle-même. Sa tête tournait sous l'effet du manque d'oxygène, sa gorge se nouait et ses poumons hurlaient qu'on les remplisse. Aussi ne savait-elle pas si elle devait mettre ce poids énorme qui la broyait et ses centaines de couleurs fluides et mouvantes sur le compte de l'asphyxie ou du voyage. Il lui parut qu'il faisait le tour de l'immense masse. 5 secondes de plus et elle se retrouvait sur un sol dur. Ses oreilles lui faisaient parvenir avec difficulté un bruit, une voix, celle d'Hermès. « Reprenez votre souffle, » disait-il. Enfin, elle obéit. Se reconnectant peu à peu à la réalité à chaque bouffée d'air, elle réalisa qu'il l'avait lâchée. Elle se tenait à 4 pattes sur un sol d'herbe humide et grasse et respirait vite et fort. Le voyage qui n'avait duré qu'une minute et 15 secondes avait suffi aux dieux pour se calmer. L'émerveillement de sa passagère qu'il avait perçu durant tout le trajet n'y était peut-être pas étranger. L'ingénuité des mortels l'avait toujours fascinée. « Vous ne tenez vraiment pas la distance, c'est le cas de le dire. » Elle se redressa avec difficulté. Il y aida. Elle regarda le paysage, à la fois semblable et différent de celui de la Grèce. Une végétation luxuriante, des champs d'oiseaux, le tout baigné d'une étrange lumière rouge. « Où sommes-nous » demanda-t-elle enfin. « Plus sur terre. » Cela, je crois que je l'avais à peu près compris. « Nous sommes dans l'œil de Zeus. » Elle tourna sur elle-même. Un long chemin de marbre démarrait à quelques pas, menant vers une ville construite entièrement du plus pur marbre blanc, le tout dans cette lumière rouge qui enveloppait le monde. 2 sphinxes d'albâtre, en position superbe, dressées, tête haute, poitrine saillante, ailes ostensibles comme un cygne, gardaient l'entrée du chemin. « Et là-bas » demanda-t-elle en indiquant la cité d'un geste de la tête, « c'est la nouvelle Olympe. »« La nouvelle Olympe ? Votre frère a tort, je ne suis pas le traître. » « Comment ? Nous lisons dans les pensées. » « Alors vous savez ? Que vous soupçonnez Apollon, mais que vous n'avez ni certitude ni preuve et que vous n'êtes là que pour sauver votre frère ? Oui, je sais. Mais, et, je vous l'ai dit, je ne suis pas le traître. Nous sommes sur Jupiter, dans ce que vous appelez la grande tache rouge. Jupiter est une planète gazeuse, il n'y a pas de sol, et c'est bien la moindre des incohérences de votre explication. Jupiter est une planète gazeuse et nous sommes des dieux, dit-il avec un clin d'œil et un sourire aux lèvres. Zeus a fait la tache rouge, c'est une immense bulle, qui nous sépare du reste de ce monde et nous permet de le rendre vivable. Uranos et Éole y ont mis de l'oxygène et chassé tous les gaz incommodants. Gaïa y a mis de la terre pour que nous puissions marcher. Et des Déphaïstos, ils ont fait tenir l'ensemble. Nous y avons tous contribué. Je ne comprends pas, comment les astronomes n'ont-ils pas vu que la composition de l'atmosphère différait ici du reste de la planète ? Hermès ne répondit pas. Oui, vous êtes des dieux. Et la gravité ? Quoi la gravité ? Elle devrait entraîner votre bulle vers le centre de la planète, si c'était vrai. Hermès ne répondit toujours pas. Oui, vous êtes des dieux. À propos, quelqu'un a-t-il pu voir que nous quittions la Terre ? Non, on allait beaucoup trop vite. Et lui, il sourit. Je crois que les mortels de votre époque croisent les doigts pour s'attirer la chance. Alors croisez-les. Tous, restez ici. Je reviens. À ces mots, il prit le chemin en direction de la ville et les sphinges s'inclinèrent devant lui. Après quelques pas, il accéléra et elle ne le vit plus. Oui, l'œil de Zeus, alors ça c'était le... Sorti du Tartare. Voilà. Francis Cuny. Francis Cuny. Ah oui, c'est moi qui vais m'y coller. En fait, je vais vous présenter peut-être un petit peu la suite de cet esprit de l'école Freinet. Il se trouve que... Enfin bref. Suivre les nuages... Non, en fait, c'est pour enregistrer. C'est pour ça qu'il ne marche pas. Je suis d'accord. Suivre les nuages et le sens du vent. École buissonnière, terrain de jeu, bulle de savon. On affectionne autant la diversité que les projets fous, la transparence que les degrés sous zéro, et la lumière autant que l'inconnu. Nous, ce qu'on aime, c'est le mouvement. Chercher, inventer, prendre des risques, retrouver les amis et essayer d'avancer. Notre histoire est en effet boule de neige. Et d'amitié de pays en pays. Un jeu avec les enfants dans les cours de récré. Il n'y a pas d'objectif ni de but à atteindre, mais des parcours à inventer et il n'y a pas de premier, il y a des différences. Entre la formation des cristaux de neige à partir des poussières dans l'atmosphère ou celle des perles de l'huître à partir d'un grain de sable, c'est la diversité et ses correspondances dans tous ces domaines qui font dans tous les domaines de la vie qui font la richesse autour de nous. Nos sculptures s'inspirent de cette diversité comme un éloge à la nature. L'eau est en nous, comme la neige et la glace sont en hiver, et entre la poésie et la mémoire de l'eau, nous fêtons l'hiver quand il est là, tout simplement. Donc là, j'ai écrit cette préface du livre qui est ici, donc sur nos aventures avec la neige et la glace à travers le monde, en fait. Et c'est pour l'équipe que j'ai écrit cette attention qui nous ressemble. Autant qu'on a pu travailler ensemble et jouer ensemble, à partir de la fameuse cour d'écrit de l'école, sur les champs de sculpture et de glace. Tout à l'heure, on évoquait avec Maggie la place de Harbin en Chine, où on a travaillé la glace, où on a rencontré, enfin, on a parlé d'une amie venue de Chine, qui dans les Vosges, justement, était étonnée de nous voir faire un tour en Chine pour l'occasion d'une rencontre internationale et publique. Et juste pour vous donner une petite histoire, pour faire un lien entre l'eau, la glace, le monde et la forêt, il se trouve que avec Christian Claudel, le collègue avec qui je suis parti là-bas, en 88, 89, juste au tout début de l'année, arrivé à l'aéroport de Pékin, Christian me dit, écoute Francis, je ne t'ai pas dit, mais l'intention c'est quand même de faire un cadeau quand on vient comme ça en Chine, nous, deux Vosgiens sculpteurs, c'est la première fois que des sculpteurs travaillent en Chine dans ce lieu magique. Vous pourrez regarder sur votre information la place dans le monde de cette station de Harbin avec la glace. Et donc Christian m'annonce qu'il y a quelque chose qui est passé jusque-là dans les radars des contrôles, et puis que personne n'a rien vu, mais que moi je fasse attention de ne pas le dire non plus à l'avance, enfin bref, etc. Il m'annonce que dans le colis, il a pris trois petits sapins des Vosges pour offrir aux organisateurs de cette rencontre à Harbin, qui finalement, cette rencontre de sculpture de glace en hiver, est un parc d'agrément, voilà, il y a des canaux, il y a des bateaux, enfin bref, c'est un grand parc forestier, enfin, ou arboré. Et quand on est arrivé, on a offert à cette organisatrice qui s'occupe de ce parc en été comme en hiver, ces trois petits sapins venus des Vosges, qui maintenant, depuis 89, vous imaginez l'allure qu'ils ont là-bas. Et nous, alors jusqu'au dernier moment, on a craint parce qu'on s'est dit les conditions sanitaires d'un petit transport d'arbres, bon, c'est biologique, comment ça peut amener quelque chose en Chine qu'ils n'aiment pas. Bon, elle a accueilli ces petits sapins des Vosges autant que nous, à bras ouverts, et en disant « Waouh, c'est super, notre parc il va prendre une dimension avec des arbres qui sont venus de France ». On ne leur a pas dit que c'était complètement des Vosges et de la forêt d'ici, mais voilà, c'est juste pour vous dire le pont. Et quand je parle d'effet boule de neige, on pourrait dire boule de bois, boule de gomme ou de pierre. Mais c'est, quand on dit pierre qui roule. Du coup, je trouve qu'entre le lien de l'eau et l'universel, enfin l'eau qu'on joue aujourd'hui et cet universel de la rencontre, parce que c'est vraiment ça, je me permets de faire honneur à votre lieu dans le sens de qui permet cette fameuse rencontre, qui permet l'expression, et qui permet justement, à partir de ce qu'on vit aujourd'hui, de faire des projets qu'on n'imagine même pas, et dont le monde a besoin, je pense, vraiment. Merci à vous, Francis. Marie Houlbrecht. Bon, habituellement, je m'adresse à des enfants, parce que j'écris des histoires sur les photos de Sylvain Mongel. Et ce sont des histoires au plus vrai de la vie sauvage. Je vais vous lire l'histoire de Rosalie Delantier, elle est très courte, mais aussi parce que dedans, il y a des oiseaux de rivière. Bon, je suis un petit peu... Je n'ai pas l'habitude d'un auditoire. Il y a quelques semaines, dans un terrier près de la rivière, maman renard a donné naissance à trois petits renardeaux, tous plus mignons les uns que les autres. Rosaline est la plus jolie, avec ses grands yeux dorés, ses petites oreilles bien dressées, et son museau tout noir et tout pointu qui laisse apparaître des dents solides et bien aiguisées. Sa fourrure, d'abord grise à la naissance, s'est transformée peu à peu en un joli pelage cuivré. Sa queue épaisse, mais encore très courte, se termine par un petit toupet blanc effilé. Et que pensez-vous de son petit ventre tout rond et bien dodu ? Que Rosaline est très gourmande. On la reconnaît facilement à sa façon de se lécher les babines quand maman renard apporte une proie à l'entrée du terrier. Fini le bon lait maternel. Bonjour les grands festins. Ce matin, comme tous les matins, Rosaline fait ses vocalises. Aou, aou, aou. Elle travaille sa voix pour communiquer avec ses copains renards. Elle glapit, elle gémit, elle aboie, elle glousse, elle jappe, elle grogne. Pitié, Rosaline, arrête ce vacarme, va chanter plus loin. Plus loin. Justement, notre chanteuse avait très envie d'aller plus loin et de chasser toute seule. Elle en a assez de ses frères qui la bousculent sans cesse. Elle a repéré des oiseaux qui se désaltèrent à la rivière. Elle avance silencieusement, en levant bien les pattes, les oreilles bien dirigées vers ses proies. Laquelle choisir ? Tiens, tiens, en voici un qui prend la pose. Non, Rosaline, non, méfie-toi. Ce héron au long bec vif et précis comme un poignard va faire de toi une brochette de petit renard. Alors celui-ci, qui de son allure altière observe la rivière. Ah non, Rosaline, laisse-le faire le beau. Comme une flèche bleue, il va plonger sous l'eau. Il criera si fort qu'il te fera peur, ce martin pêcheur. Ah oui, sûrement celui-là. Il semble très facile à attraper. Il paraît même qu'il vole très mal. Pardon, je vole très mal? Mais je t'ai bien entendu, petite imprudente. Le jet cria si fort que tous les oiseaux s'envolèrent, laissant Rosaline seule à la rivière. Qu'importe, tous les sens en éveil, Rosaline se hasarde maintenant sur le chemin qui mène à la forêt. Elle écoute, elle observe. Elle flaire, elle renifle et brusquement se dresse sur ses pattes arrière. Elle a entendu un craquement au-dessus de sa tête. Même couleur, même queue touffue, pas des plumes mais des poils. Mais qui donc est cette créature? Un renard miniature? Mais c'est ce coquin de noisette. Reste là-haut, petit écureuil. Rosaline t'a bien à l'œil. Continuant son chemin, elle se trouve nez à nez avec un lièvre très malin. L'aura pas, c'est ce qu'on verra. Trois bonds, quatre zigzags, et l'animal prend la fuite, entraînant Rosaline à sa poursuite. Raté ! Dans son gîte, le lièvre s'est réfugié, laissant notre petite renarde si essoufflée qu'elle s'allonge sur la mousse pour se reposer. Elle a faim. Elle a soif, elle voudrait déjeuner. Soudain, doux parfum de myrtille s'impose à son nez. Miam, miam, miam, miam. Ce fruit juteux et sucré sous ses dents croustille et la gourmande en mange tant et tant que ses babines en sont barbouillées. Rosaline, il serait temps de rentrer. Ta maman va s'inquiéter. Là-haut, dans le ciel, un rapace te surveille. C'est un milan qui plane au-dessus de toi. Attention, cache-toi. Bec crochu, yeux perçants, pas de doute, c'est un milan. Rosaline est terrorisée. Que faire? Où aller? Vite au terrier, faut se réfugier. Mais comment se sauver? Rosaline reprend ses vocalises car elle ne sait quel cri utiliser pour avertir qu'elle est en danger. Aou! Aou! Aou! Elle glapit, elle gémit, elle glousse, elle jappe, elle aboie, elle pleure, elle ne sait plus, elle a peur. Aou! Aou! Maman, au secours! Heureusement, maman est là, prête à bondir. Elle retrousse ses babines, voûte le dos, ouvre la gueule et saute sur le rapace en grognant pour le faire fuir. Surpris, le milan remonte tout là-haut dans le ciel, abandonnant son déjeuner et quelques plumes couleur de soleil. Ouf, quelle journée! Rosaline est rassurée. Les léchouilles de sa maman l'ont apaisée. Bien blottie contre ses frères, elle s'endort doucement à l'abri du danger. Elle attendra d'être plus grande pour s'éloigner du terrier, parce qu'elle sait maintenant que d'autres gourmands pourraient bien la manger. Oui, en fait, je vais m'expliquer un tout petit peu. À l'origine, en fait, j'ai commencé d'écrire un roman. Et en fait, le but était de faire un roman philosophique. Et au fur et à mesure, là, j'ai écrit une centaine de pages à peu près. Donc avec des personnages, etc. Mais avec un fond philosophique. Bon, philosophique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, je sais un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, un texte qui ne relèverait pas uniquement de la narrativité, mais qui renverrait, à travers des personnages, des situations, à des expériences fondamentales. Et donc, écrivant, finalement, j'ai écrit tout à fait autre chose. Parce que je pense que quand on n'écrit pas ce qu'on veut, en fait. Et donc, j'ai commencé par écrire des textes qui relevaient, en fait, du philosophique, mais qui n'étaient pas philosophiques, qui étaient littéraires. Donc, en fait, le but, c'est d'articuler, si vous voulez, si on veut, si j'y arrive, philosophie et littérature. Mais plus singulièrement, philosophie et poésie. Voilà. Bon... comme ça, un petit peu que j'explique mon processus d'écriture. Donc, je vais vous lire un petit extrait, mais c'est des textes, en fait, qui sont en chantier. Et donc, il y a trois thèmes, en fait. Oui, il y a trois thèmes sur lesquels je travaille. Évidemment, c'est le concept de vérité, d'espace et de temps. Et donc, à partir de là, j'essaye de mettre en œuvre une sorte de... comment dire, de parole, c'est pas un discours, c'est une parole qui vise à cristalliser, à rendre vivant un concept. Voilà. Bon, silence de mort, c'est pas grave. J'espère que je suis clair. Voilà, ouais, non mais j'ai voulu m'expliquer avant. J'ai voulu m'expliquer avant. Alors, oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, le titre du, j'ai appelé ça poème, c'est sur le clair et l'obscur. Non, vous inquiétez pas, hein, c'est pas des trucs. Enfin bon, ce qui est clair devient obscur, disais-je. Mais comment était-ce clair avant que les choses deviennent obscures? Et comment cette obscurité est-elle apparue? Voilà ce qu'il faudrait mettre au clair, même si je sais bien l'impossibilité d'un tel programme. Le terme de programme, d'ailleurs, étant bien impropre pour saisir la vérité historique de l'existence lorsque le clair portait l'obscur. N'était donc pas aussi clair qu'une eau claire, une idée claire, un horizon clair, lorsque nous croyons que les choses allaient leur train clairement, suivant apparemment une ligne claire, claire pour nous certes, mais objectivement claire puisque tout apparaissait comme tel, clairement dans une sorte de légèreté facile dont nous jouissions sans frein, ne voyant finalement rien, absolument rien, puisque tout pour nous, subjectivement, objectivement, était si clair, clarteux, rien d'éblouissant certes, puisqu'alors rien n'aurait été clair dans l'obligation de nous cacher les yeux avec les mains et par conséquent ne rien voir du tout, alors que nous voyons sans conteste ce qui était là, là, clairement devant nous, en nous, nous avec elle, avec la clarté, levant les bras devant nous pour accomplir la ligne claire qui se dessinait, mais qu'elle ne traçait, une sorte de tranchée dont rien ne pouvait nous faire douter et dans laquelle nous étions enfournés, non pas dans la boue, trempés, pataugeant, ne voyant rien, sous les obus, dans le feu continu de l'ennemi, pleurant, désespéré, mais courageux, sans savoir ce qu'est le courage, la mort n'étant plus la mort, puisque tout était dans la mort victorieuse, victorieuse, vivante, absolument vivante, la mort comme la glu, et même comme la confiture, si je voulais, sans raison, comparer l'événement, l'histoire, l'historicité, à une manière de cuisiner, puisque les plats, les mêmes plats sont toujours les mêmes. Non, non, Non, nous n'étions pas des poilus, et même des poilus finalement lettrés par leur apprentissage élémentaire. Non, non, nous avancions, dormant et vivant, croyant vivre, mais dormant, pourtant vivant sans aucun doute. Pourquoi douter en effet, puisque nous étions vivants, mais dormant, absolument vivant, mais nous marchons les yeux ouverts, et nous dormons dans nos lits, un sommeil vivant, puis nous nous éveillons, croyant nous éveillant sans aucun doute, quand il faudrait s'arrêter, lever la jambe, la tête, regarder une fois pour toutes, attraper, vite, très vite, dans le geste pur de la main, ses osselets sur le trottoir, d'un coup, contracter le temps et l'espace, prendre et semer, et serrer les doigts, pour que tout explose peut-être, tirer des flèches sur la pendule, le clocher, comme si je pensais, écrivant maintenant, vivant, dormant, que l'enfance est l'éveil absolu, mais l'absolu ne dure pas, il s'épuise dans l'instant, et cela indéfiniment, jusqu'à cette goutte cristalline, dont nous sentons le pétiment, la piqûre, un instant, dis-je, et me répétant encore et encore, puisque l'absolu ne se répète pas, comme ces osselets, pris d'un coup, d'un regard, devant l'ennemi, disparaissant dans le creux de la main, le poing serré, chacun le sait, personne ne revient en arrière, poussé inexorablement en avant, par on ne sait quelle force, cette force inconnue, jour après jour, nuit après nuit, tendant la main vers l'arrière, vainement, essayant de tricoter quelque chose qui ressemblerait à une sorte de tissu, ou plutôt, parce que cela est plus vrai, plus juste, un habit, un costume, quelque chose de nous peut-être, ce nous inconnu que nous voulons habiter, puisque le monde devient inhabitable. Mais ce monde est précisément nous-mêmes, clair, obscur, et fuyant la possibilité même de définir ses objectifs, j'écris à présent étrange, fantastique, comme marchant, puis par des pensées confuses, nous levons soudain la tête pour regarder les hauts, le haut des maisons, sous le ciel et d'un coup, sur le trottoir, voulant combler le vide dans l'espace parcouru, regardant au loin ces corps qui avancent, également vers un point qui ne peut être que le nôtre, notre horizon qui résonne, c'est-à-dire revient en nous-mêmes dans les bruits de la rue. Un morceau clair. C'est un morceau clair. C'est clairement un morceau. C'est clair. Oui, et Elodie Diel. Alors moi, je vais vous lire une de mes petites histoires pour enfants. Alors comme j'en ai une qui était sur l'eau, j'ai choisi celle-là. Ça s'appelle Jour de pluie. Ce matin, plic, ploc. La pluie se met à tomber. Des gouttes d'eau, plic, ploc, tombent sur la nature à peine réveillée. C'est le moment préféré de Lutine Augustine et de Lutin Célestin. C'est le moment d'aller récolter les gouttes d'eau colorées du matin. Chargés de deux gros baluchons remplis de gourdes, de pots et de récipients, les deux lutins partent insouciants braver l'averse à l'abri de leurs capuchons. Ils s'arrêtent au pied des grands coquelicots tout mouillés, s'abritent sous des champignons rouges à pois blancs, dégustent quelques fraises des bois bien sucrées et récupèrent tout le rouge que la pluie a lavé. Une coccinelle au regard amusé et bienveillant les observe du haut d'une herbe courbée. Ils avancent un peu plus loin, trouvent les jonquilles dont ils ont besoin, recueillent le jaune précieux des boutons d'or pour compléter leur trésor. Le papillon jaune citron, posé sur une feuille de tournesol, attend la fin des précipitations sous son parasol. En chemin, les lutins croisent la mésange bleue, qui les fait profiter de son chant mélodieux. Ils ramassent les gouttes d'eau bleutée qui glissent sur le tapis de Véronique et de Myosotis. Des baies de myrtille, rondes comme des billes, s'égouttent un mélange de bleu et d'indigo qui va directement dans leur peau. Jour de pluie, jour de chance, au milieu de l'herbe dense, un trèfle à quatre feuilles leur fait la révérence. Quelques gouttes d'un vert pomme acidulé coule d'une belle chenille potelée accrochée à une tige de plantain. En voilà un beau butin. Lutine et Lutin continuent leur cueillette de gouttelettes sur les clochettes et les violettes. Des perles de pluie mauve monumentale s'écoulent de la grande digitale. Des plus petites, violettes, dégringolent des mûres qui seraient parfaites pour faire de la confiture. Passage obligé par le potager, où les lanternes éclairent de leurs boules étranges les potirons et les carottes oranges. Les gouttes de pluie font danser les capucines, remplissent encore quelques pots et des bassines. Désormais, les récipients sont tous pleins, la verse arrive à sa fin. Plic, ploc, la pluie a tout trempé. Plic, ploc, la nature est toute délavée. Plic, ploc, le paysage est tout décoloré. Plic, ploc, les couleurs par le gris ont été remplacées. Lutin Célestin et Lutine Augustine grimpent dans un arbre jusqu'à la cime. Ils guettent le premier signe annonçant l'éclaircie après le mauvais temps. Soudain, à travers les dernières gouttes de pluie, un rayon de soleil perce les nuages gris. Les deux lutins frôlent au ciel les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et toute la nature ragaillardie reprend les couleurs de la vie. Donc vous le voyez pas, mais à chaque fois il y avait les couleurs. À chaque page il y avait les couleurs. Il y a les dessins avec les c'est couleurs. C'est un poème en même temps. Voilà. Eh bien, Mamadou Salou Koulibaly. Je me présente d'abord, c'est Mamadou Salou Koulibaly, comme vous connaissez. J'ai un accent très bizarre, qui est différent de celle de vôtre. Vous savez que penser sur une autre langue et exprimer sur une autre langue, tout à fait. Vous savez que penser sur une autre langue et l'exprimer sur une autre langue, tout à fait un problème. Pour mieux faciliter la tâche, je voudrais que quelqu'un le lit pour que vous le compreniez bien. Parce que si je le lis, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question, comment? Et si, madame, je peux vous donner. Non, ok, merci. Je vous ai donné. Okay. Donc, tu veux que quelqu'un. Oui, parce que pour que vous compreniez. Alex. Oui, parce qu'il a. Va lire un passage. Moi, je lis rapide, avec vous avez dit. Merci, Alex. Que je lise le début. Oui, le. Ça, juste pour que les gens comprennent, parce que si je lis ça, le début là, jusqu'à ce que vous voulez là, on peut vous arrêter, sinon. Tu préfères là? Non, là, le début, l'introduction, jusqu'à. Là. D'accord. Ce sont les voyages sans retour de plusieurs familles, des jeunes, des hommes, des femmes matures, des gosses, des nourrices avec leurs bébés dans le dos ou qui marchent, des belles filles aux poitrines bombées, des gamins innocents et intelligents, des adolescents motivés, courageux et sans peur, accompagnés par des vieillards qui sacrifient les âmes de leurs fils pour échapper à la pauvreté, à la maltraitance, l'injustice, la guerre, les mariages forcés précoces et aussi à la mauvaise gouvernance du continent, comme la violence, la corruption, la démagogie et l'analphabétisation du système gouvernemental de leur lieu de naissance, les conduisant à périr dans un cimetière sans limite et brûlant, sous des tempêtes à la température égale au feu de l'enfer, cramant leur corps comme des allumettes et qui les noircit, comme la fumée de déforestation des cultures qui sucent leur sang, comme si c'était une hémorragie mêlée aux os de leur corps, comme la fuite d'un tuyau du robinet et qui pousse leurs organismes à avoir encore plus besoin d'eau, le minimum avec des repas légers pour survivre. Il paraît que celui-ci est différent de la première. Lui, il n'a ni graines chaudes ni pierres avec du sable qui apparaissent à la surface. Lui, il possède un monstre des profondeurs pas comme les autres, des vagues sous forme de montagnes, des énormes vents et des tempêtes, des animaux féroces et dangereux qui détruisent la vie et les bateaux chargés d'humains sacrifiés et noyés dans les profondeurs et qui flottent à la surface comme des ordures ou des débris. Parfois même, ils se font dévorer et repousser par des animaux aux abords de ces cimetières comme des produits toxiques. Aucune ressemblance avec ces visages rongés, ses yeux d'éprouvés, ses membres détachés, ses ventres gonflés. Le pire de ce scénario se passe aux frontières comme dans la forêt de Nador ou dans les foyers libyens, algériens ou marocains. Quand les passeurs forcent leur propre rébellion, les considérant comme des ghettos avec des chefs, sous-chefs, agents de police et agents secrets pour maîtriser les nouveaux arrivants, contrôler la nature de leur environnement pour qu'en cas de danger, des patrouilles de police puissent signaler les jeunes migrants et fournir des informations, des méthodes et des solutions, soit pour franchir la mer à travers les bateaux bondés ou avec des voitures. Mais parfois, ces agents de l'immigration sont juste là pour contrôler les frontières et organiser des combats entre les agents frontaliers marocains espagnols et la population massive migratoire qu'ils appellent des frappes, et pour limiter les rébellions sauvages causant des milliers de victimes avec des morts, des blessés dans chaque camp et surtout avec des armes. Ceux-ci subissent plus de victimes et de blessés que dans l'autre camp que les policiers des frontières appellent « Bouboula » pour les Marocains et « Gordane » ou « Policiza » pour les Espagnols. Mais hélas, malgré tout ça, ils tentent de rejoindre le Bing avec motivation et courage dans un affrontement entre rébellions sauvages et gardes frontières qui leur permettent d'obtenir le passage et d'atteindre le pays de leurs rêves. Pour certains, la mort ou les blessures, mais aussi les refoulements des autres dans leur pays d'origine. Suivant les accords du roi du Maroc et espagnol, sous réserve du respect des accords et des conventions migratoires. Mais pour moi, cela n'est pas la solution pour limiter l'exode ou la démographie de ces rébellions sauvages. Ces refoulements sont dus à une mauvaise mentalité et l'incompétence de ces gens qui se disent dirigeants, qui signent des accords et des conventions incroyables en causant des pertes de vie. Voilà les trois principaux types d'accords et conventions destructrices des âmes de nos fils africains, signés et validés par nos propres dirigeants à cause de leur faiblesse et du manque de réflexion de nos jeunes et de nos parents. Le cadavre crâné. Oui, il y a le cadavre crâné, la suite, les mineurs désolés, là qui explique totalement sur les démarches, les OQTF et ainsi de suite. Le troisième, mon continent se réveille au sens contraire, que j'ai beaucoup parlé de la politique sur ça. Et voilà, je vous remercie tous. Je vous remercie, madame. Merci. Eh bien... Mais Dominique Andras est arrivé. Ouais. Et puis... Moi, je ne me suis pas mis non plus, je me suis oublié. Ah, tu t'es oublié, tu m'as oublié aussi. Tu m'as dit que tu voulais pas Ah non, mais oui, mais je suis représenté par... Ah, ok, d'accord, on s'est mal compris, donc je te rajouterai aussi dans la suite. Oui. Comment? Dominique Andras, adjoint au maire. Ah, enchanté, enchanté. Bien, donc maintenant, Dominique Andras. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est très bien, je vais vous laisser... Thank you. Mesdames et messieurs, voilà, on va, installez-vous bien sûr, dans quelques instants, dans quelques instants le concert de Jeff Jean-Philippe Vautier en fait, qui est l'ancien chanteur de Tournée Générale, un groupe qui a tourné jusque vers 2015 environ. Et Jeff repart pour une nouvelle tournée. Et ça marche pas mal, il repart, il a bien sûr des disques aussi, bien sûr. Alors vous allez l'écouter avec joie. C'est une soirée qui sera au chapeau, on passera tout à l'heure si vous êtes satisfait. Voilà. Et Jeff, pour tout dire, se produit un petit peu partout en ce moment dans la région. Avant-hier, il était à Chantraine dans la première partie de Barzingo. Voilà. Donc Jeff, un chanteur qui monte et qui vaut le coup, bien sûr, de par ses qualités de poésie, de musique, tant à la guitare, au piano. C'est donc une redécouverte pour ceux qui ont connu Tournée Générale, un groupe de rock, il y a 10 ans, et une découverte pour tous ce soir. Alors, on appelle Jeff. Merci, merci. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Vous me voyez bien ? Vous savez, j'ai eu une belle chemise. Alors, ça, il y a un petit peu de... De Larsen. Ouais, du Larsen, on peut dire du Larsen, je pense. Ouais. Oui, c'est mieux ça. Alors, je suis bien content que vous soyez là, bien que je sois quand même un petit peu embêté, hein. Parce que j'ai pas de projet. Aucun listing et zéro like. Pas de feeling pour l'open mic. Je trouve pas mon style. Pas de piercing, ni même un trou dessus mon jean, aucun atout. V'là la gueule du projet. Une guitare, un chanteur, et sans rien, sans filet de l'amour et du cœur. C'est le look débranché. Aucun programmateur pourra jamais piffrer mon côté Rockefeller. Et puis Jeff, c'est le bouquet, t'y crois pas un instant. Le provincial à plein nez, pas du tout rentre dedans, juste un fut, chemisette, l'aurait pu faire l'effort de remonter sa braguette et de brailler moins fort. Sûr qu'il va nous conter son incurable ennui, sa meuf qu'il a quittée, je la comprends la pauvre fille, encore un énervé contre l'argent, je vois le truc. Le gauchiste assuré, c'est sûr que vu ses frusques, ferait mieux d'aller bosser, l'aurait meilleure conscience, plutôt que nous imposer ses problèmes d'existence. Bonsoir. J'ai pris mon piano, hein. Voilà. Je l'allume. Et au son ce soir, vous pouvez applaudir Monsieur Christian Gregli. Yeah. Je suis pas personne, je ne suis pas rien. Je ferme pas ma gueule, écoute-moi bien. Je suis pas méchant, je suis pas sournois. Je serre les dents sous les combats. J'ai pas d'avis, pas de jugement. J'ai des ennuis comme tous les gens. Je suis pas à plaindre, ni à envier. Je n'aime pas geindre ou parader. Je suis pas envieux, pas satisfait. Et je fais de mon mieux pour apprécier. pas dégueu. J'suis pas parfait. J'fais des heureux quand j'suis entier. J'ai rien à taire, rien à prouver. Si j'exagère, c'est pour aimer. J'suis pas has-been, j'suis pas new look. J'suis plutôt clean. C'est pas. Ça fait comme. T'as vu? Y'a des redondances. Eh, eh, eh. Non, mais c'est comme ça, vous voyez exactement le même spectacle que vendredi. Rien à taire, voilà. Rien à prouver. Si j'exagère, c'est pour aimer. J'suis pas has-been, j'suis pas new look. J'suis plutôt clean, c'est pas un scoop. J'suis pas dans l'ombre, j'aime la lumière. Mais j'fais pas d'ombre à mes petits frères. J'suis comme E.T., j'veux ma maison. Mais j'suis d'ici, c'est plutôt con. J'suis pas bezef, juste un chouïa. Un poil de zef dans le calme plat. J'suis pas Johnny, j'suis pas Colin. J'aime bien la vie, mais faut pas me faire. J'suis bien ici, surtout qu'ailleurs, ben c'est la vie, à quel malheur. J'suis pas permis, mais j'ose quand même. Mais voir admis, pire mais la même. J'suis solitaire, mais dans mon cœur y'a une petite mer qui fait son beurre. J'suis pas soulard, juste un peu con. Roi du noir, je suis seul au fond. Je pas en pite, pas à moitié. Je suis plutôt le type du genre entier. Je suis pas exhibe, ni renfermé. Je vois le tout bible les jours fériés. Je suis dans la marche, je suis comme Léo. Je prends le large à l'apéro. J'suis pas skipper, j'suis pas Artaud. J'nage dans le bonheur avec Milo. J'deviens pêcheur, j'suis pas mytho. J'passe quelques heures au bord de l'eau. J'suis pas frimeur, j'suis pas fripé. Juste un peu chieur quand j'suis bourré. J'suis pas frileux, ni téméraire. Et j'tremble un peu quand ça devient cher. J'suis pas avare, mais économe. C'est plutôt rare, mais quand je déconne, j'suis pas menteur, pas hypocrite. J'ai des valeurs sous mes principes. J'suis à l'ouest, plutôt rêveur. Entre deux siestes, je compte les heures. J'suis pas à l'aise, j'suis pas chez moi. Et n'en déplaise aux scélérats, j'suis pas à vendre, je ne suis pas free. J'veux qu'on m'entende et qu'on m'oublie. J'suis pas dans le vent. Je ne suis pas in. Et j'aime les gens, c'est ma combine. Mon truc en plume, ma litanie, mon amertume et ma survie. Je ne suis pas Dieu, ouais, je suis mortel. Je suis désastreux, je prie quand ça gèle. Pas odieux, pas encore mort. Je fais des heureux quand je m'en sors. Je suis pas d'ici, je viens d'avant. Je passe ma vie devant. Je suis pas aux prunes, aux alouettes. Sans foi, sans lune. J'arrête. Salut Régis. Eh oui, alors... très content d'être là, vous vous doutez bien. Hop. Quel magnifique pied de guitare j'ai. Salut Leïla. Voilà. Salut Leïla. Salut Leïla. On va pas dire bonjour à tout le monde, hein. Salut Leïla. Salut Jeff. Bienvenue. Donc je disais que j'étais très heureux d'être là. Ça faisait, eh bien oui, 5 ans que je n'étais pas monté sur scène. Et alors, si on remonte en arrière, 5 ans, 2025-2020, on est en plein Covid-19. Hein. Voilà, donc je venais de sortir mon premier album, donc tout tombe à l'eau, l'album, la tournée. Et ensuite, après le Covid, au lieu de reprendre comme tout le monde, ça a été pour moi la grande remise en question du non-essentiel. C'est là qu'on a commencé à nous dire qu'en fait, ben, les artistes, poètes, saltimbanques, en gros, on n'était pas grand-chose dans tout ça. Et alors, je ne sais pas, bon, vous connaissez Anne Sylvestre, la chanteuse ? Oui. Bien ! Anne Sylvestre, la chanteuse, a une chanson qui s'appelle « Il n'y a pas de retraite pour les artistes ». Alors moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire qu'il n'y a pas non plus de reconversion. Et pour que vous sachiez tout, après 15 ans de tournée générale, allez, on fait la bise, tchac, tchac, tchac. Après 15 ans de tournée générale, il était l'heure. Tu veux pas dire moi, je vois toute la scène. Il était l'heure de payer quoi ? L'addition. Et l'addition qui était salée. Vous vous doutez bien. Je connais pas grand chose à la France. J'ai pas la grecque d'économie. J'ai pas mis les mains dans la fiente. Je connais guère d'autre chose que ma vie. À 20 ans, j'ai pris ma guitare et j'ai sillonné le pays. Je me retrouve à 20 années plus tard sous un sacré tas de confettis. Où sont passées mes belles années? Qu'avons-nous fait de nous? C'est l'heure pour moi d'aller régler l'addition, je l'avoue. J'ai plongé la tête la première dans un grand océan de bibine. J'ai rencontré des tonnes de frères et soigné une paire de frangines. Je vais comme ça tranquille, pépère, sans trop m'en faire dans ma combine. Où sont passés les légionnaires qui peuplaient mes nuits byzantines? Où sont passées les belles années? Qu'avons-nous fait de nous? C'est l'heure pour moi d'aller régler l'addition, je l'avoue. J'y vais peinard dans ma bohème. Je courais de bastringue en cachet. Je volais quelques petits je t'aime qui n'étaient pas trop chers payés. J'avais toujours au fond des poches de quoi payer quelques godets. Qu'il est si loin le son des cloches qui tintait la prochaine tournée. Où sont passées mes belles années? Qu'avons-nous fait de nous? C'est l'heure pour moi d'aller régler l'addition, je l'avoue. Pas de projet sur la comète, pas de plan de carrière foireux. J'ai vu chacun se compromettre et tous aller se mettre au pieu. Je les envierais presque ces bêtes, avec leur taf et leur morveux. Quand c'est plus l'âge de faire la fête, on se prend d'un sacré coup de vieux. Où sont passées mes belles années? Qu'avons-nous fait de nous? C'est l'heure pour moi d'aller régler l'addition, je l'avoue. Le temps joue contre les poètes. La vie se met en travers d'eux. Mieux vaut se passer d'être honnête. Si l'on veut s'en sortir un peu, si l'on veut se sortir la tête de l'eau, mieux vaut en boire un peu. C'est l'heure de replier la fête. Salut ma vieille jeunesse, adieu. Adieu mes plus belles années. Adieu toi et moi nous. Je vais enfin pouvoir régler tous mes problèmes partout. Adieu mes plus belles années. Adieu toi et moi nous. Je vais enfin pouvoir régler tous mes problèmes partout. Allez! On est bien dans des canapes. Pour le dimanche soir. Ils ne sont pas foutus de votre gueule. Mais c'était l'heure d'aller au pieu. T'es trop fort. Alors, bon. Alors, donc la prochaine chanson, c'est pas la grande forme de gueule. Mais c'est pas non plus le but à la chanson. J'ai écrit cette chanson plongée dans un profond état dépressif. Alors, comment dirais-je ? Il ne s'agit pas d'un petit, petite baisse de morale, mets-toi un coup de pied au cul. Non, non, je veux parler de santé mentale. C'est pas triste, c'est une maladie. Et dans cet état-là, malheureusement, on n'est plus bon à rien du tout. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'accrocher à l'écriture et en mettant des mots sur mes mots, d'aller beaucoup plus loin que ça. Les médias me déversent leur tas d'horreur quotidien. Ma solitude pèse trop lourd quand à la fin du jour, la nuit vient, je ne veux plus voir personne. Quant à moi, plus rien ne résonne. Je n'y crois plus, je n'y crois pas. J'attends que ce mal sorte de moi. Ça va pas. J'entends la vie qui parle autour et les bus qui font leur tournée. Il y a les cris des mecs à la rue qui m'empêchent de respirer. Je suis en pleine déchéance et je me regarde sombrer. Pas un appel, pas une chance et plus rien d'autre à espérer. Ça va pas. Ça va pas. Je refais le film à l'envers, ce que j'ai cru, ce que j'ai dit. Mon Dieu, ce que j'ai pu être con de l'avoir en femme de ma vie. Tout me ramène à ma défaite, tout me fait juste me détester. Je voudrais que tout cela pète, mais je suis seul à l'espérer. Ça va pas. Je pense à tout ce qu'il faudra faire que je ne peux pas. Je ne veux pas faire et refaire ce que j'ai déjà fait 100 fois. J'étais sûr de cette lumière, aussi juste était mon combat. Mon étoile m'a laissé sur terre et je l'attends. Au fond de moi, ça va pas. Ça va pas. Pas, pas, pas. Les gens ne comprennent pas mon mal, car je suis trop loin, bien trop loin. J'ai tout pigé à ce système et pourtant ça ne me sert à rien. Je cherche la raison profonde, ce qui me lacère le ventre, et je m'enfonce chaque seconde un petit peu plus dans mon encre. Ça va pas. Ça va pas. Je pense à tout ce qu'il faudra. J'ai mal au temps qui se retourne, et j'ai si peur de ce qui vient. Ça hurle au fond de mes pensées, mais de ma bouche ne sort rien. Je couche dans le lit de la mort. Il n'y a plus là que je suis bien. Je veux m'arracher à mon sort et retrouver ma vie de chien. Les dieux, on se retrouve un beau matin des chrysanthèmes sous les yeux. J'ai refait la route à l'envers, elle m'a jeté dans une impasse. À trop vouloir chercher sa mère, on se retrouve dans la glace. J'ai cru que j'avais tout compris, que la bataille était derrière, que j'avais enfin la vraie vie, que je méritais tant de faire. Mais le passé me suivait pire, je me lovais dans ses chimères et je riais de voir mourir mes luttes les plus nourricières. Ça va pas, ça va pas. Je vois toutes mes imperfections et j'ai eu faux sur toute la ligne. Je n'ai suivi que mes pulsions, je n'ai pas cultivé de vie. Je me trouve désespérant, de ne m'intéresser qu'à moi. Je voudrais sortir de dedans, être un autre, parce que là, ça va pas. Je ne cherchais dans le succès qu'à soigner cette déchirure, ce si grand besoin d'être aimé pour cacher la déconfiture de l'enfant bien trop désarmé dans un monde à feu et à sang qui pour encore un peu rêver s'est inventé d'autres parents. Je sais ce que vous allez dire, je sais ce que vous allez croire, que c'est ma psychothérapie que je vous chante et que c'est noir. Aussi, pardonnez-moi ces vers, mais ils sont pour moi salvateurs, et du seul fait de m'en extraire, je me sors déjà moins menteur. Moins menteur. C'est triste, c'est pas mon problème. Alors, ouais. Donc, rassurez-vous, hein, cet état ne dure jamais ad vitam aeternam, on en sort toujours, renforcé même, je dirais. Sauf que quand ça a tendance à revenir plusieurs fois, de manière un petit peu récurrente comme ça, alors là, c'est là qu'on parle de troubles bipolaires. Et le merdier, c'est qu'entre le moment où le terme est posé, le diagnostic est fait, et où on va être délivré de ça, où on va être stabilisé, alors ça peut être très, très, très, très long. Il y a des gens qui sont là qui peuvent en attester. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, 15 ans. Pour moi, pour ma part, quand même, c'est pas rien. Et avant que je prenne quand même cette putain de décision de me faire hospitaliser, parce que si on veut être correctement soigné, ben, des fois, on n'a pas le choix. Et c'est dans donc, c'est ma petite cellule, là, de 6-7 mètres carrés, à l'hôpital Ravenel, que j'ai, entre le balai des femmes de ménage et le balai des aides-soignantes, dans cet espace infime de liberté qui me restait à ce moment-là, que j'ai pu laisser s'échapper ces quelques mots. Alors, je devais pas être trop accordé. Chagrin, je veux te parler quand ça recommence, je veux te parler quand tout fout le camp, je veux te parler de la résilience, je veux te parler de mes tourments, donne-moi la main. Du pouvoir du fric et de sa menace, de la vie qui sombre et du cœur qui bat, de la loi du nombre et de ses soldats, je veux te parler de la corde au cou. Je veux te parler du monde qui s'en fout. Je veux te parler pour ne pas me taire. Et je veux pleurer d'une sainte colère. Donne-moi la main. Donne-moi tout, dis-moi que ça vaut le coup. Je veux te parler, mon petit amour. Je veux te parler à Cronenbourg. Je veux te parler, te dire des conneries. Je veux te faire chier toute la nuit. Je veux te parler comme on s'est connu. Je veux te parler là où on ne peut plus. Je veux te parler sans trop en faire. Et je veux enfin pouvoir me taire. Donne-moi la main. Ou donne-moi tout. Que ça vaut le coup. Donne-moi la main. Donne-moi tout. Dis-moi que ça vaut le coup. Long désert médical, j'ai lu ça dans le bouquin de qui s'appelle le chroniqueur de France Inter, de tunnel thérapeutique et de désert médical. Et ben on souvent malheureusement on a tendance à trouver dans l'alcool le meilleur des anxiolytiques. Tant pis court, font du surplace, parce qu'il fait froid dans le dos, parce que les tant pis court font du surplace, parce qu'il fait froid, froid dans le dos devant nos glaces, parce que leur tronche au balcon me terrasse, et parce que c'est toujours les mêmes trains qui passent, parce que le monde tourne à l'inverse de mon cœur, parce qu'ils ont su nous imposer la peur, parce que chacun s'accroche à son semblant de bonheur. Et même si je rêve de leur faire passer un sale quart d'heure, ce soir je me casse la gueule tout seul. Ce soir je me casse la gueule. Que les mélanges peuvent être explosifs, parce que la panthère sort un jour ses griffes, parce que le nerf de ma guerre est à vif, et parce que c'est toujours le même riff, parce qu'il n'y a pas de rime à mon désir, parce que je suis trop ruiné pour m'investir, parce que des chiens enfoncent leur peau dans notre avenir, et parce que demain c'est aujourd'hui en pire. Ce soir, je me casse la gueule soir je me casse la gueule là, tout seul. La dette est devenue monnaie courante, parce que la crainte est bien trop évidente, parce que demain est une musique qui déchante. L'avenir, un enfant dans la tourmente, parce que la vie ne vaut rien sans amour, parce qu'on a perdu de vue nos Gainsbourg, parce que l'espoir est devenu bien illusoire. Quand les promesses ne laissent plus rien à croire, ce soir je me casse. L'humain devient l'espèce rare, parce que la vie déserte nos regards, parce que je me sens pas tout blanc dans ce trou noir, et parce que j'ai vraiment pas la gueule. Du grand soir. Donc là, je pense que pour le côté médical, on est pas mal. Mais bon, pour le volet médical, comme on dit. Alors maintenant, on va aborder le volet social, monsieur Vautier. Ah ben, le volet social, c'est la merde également. Eh ben oui, quitte à faire, hein. Quitte à faire autant que... Non, mais c'est comme ça, hein. La loi des séries, quoi. Alors après l'HP, j'ai découvert encore un autre milieu que je connaissais pas. La cité HLM. Et donc, encore, mes amis, quelle misère. Un kangourou. Ça faisait un bail que je ne vous avais point donné. Des nouvelles neuves de la bataille que je ne vous avais point comptées. Comme ces galères sous les étoiles depuis déjà plus d'une année. Je fais des vers qui ne valent que dalle depuis que je ne peux plus chanter. Pauvre ma vie, pauvre chance, pauvre Paris sans défense, pauvre patrie d'abondance, pauvre pays, pauvre France. C'est pas que c'était mieux hier, ni que je n'avais vu venir le mauvais vent soufflait pépère sur le pont de notre navire. Je titube du gouvernail, je me prends raclé sur raclé. Ma gouaille est passée à la baille, et je bouffe du café. caducée. Pauvre Marie, pauvre chance, pauvre Paris sans défense, pauvre patrie d'abondance, pauvre pays. Contif sur l'accordéoniste. La France est une bande de trouillards qui redemande un tour de piste. Faudrait savoir ne plus vouloir, faudrait se ranger sur la liste et remettre un coup dans son foie, histoire de bien sentir son fils. Pauvre mamie, pauvre chance, pauvre Paris sans défense, pauvre patrie d'abondance, pauvre pays, pauvre France. Bon les loulous, faut que je vous laisse, y'a trop à dire et faut que je manne de torcher ma chanson, ça presse avant de vous fendre le crâne. Rien à foutre, si je commence, je vois pas grand chose d'autre que du noir. Alors, je vous laisse en suspense de trouver une note d'espoir. Pauvre Marie, pauvre chance, pauvre Paris sans défense, pauvre patrie d'abondance, pauvre pays, pauvre Marie, pauvre chance. Pauvre Paris sans défense, pauvre patrie d'abondance, pauvre pays, pauvre France, pauvre France, pauvre. Donc maintenant que je vous ai donné bien des nouvelles de moi, je vais vous donner des nouvelles de France. On pourrait dire que c'est de la santé d'un homme à celle d'un pays. Il y a l'intime et le monde, comme dirait ce magnifique auteur-compositeur que j'ai découvert, qui s'appelle Noé Préchaud. Eh oui, ça fait un bon paquet d'années qu'on n'a plus de nouvelles de France. Alors, un peu que je vais t'en donner, des fraîches, et même en abondance. À chaque rentrée, c'est la même course. Dans les rayons de la disette, et tu vas soulager tes bourses au bout des queues de Pôle Empête. Et que ça défile, en randonnion, dans les supermarchés du vide, un bout mort dans chaque pantalon, dans la cervelle une crème liquide. Car il n'y a plus rien dans les parages à se mettre en dessous des crocs, depuis qu'ils ont mis des péages à la sortie de chaque resto. Fini les heures de rigolade, autour d'un bon verre de Porto. Si tu veux rester dans la rade, il va falloir te mettre à l'eau. La fête a plié ses valises, de nos villages à nos quartiers, la même odeur de lave pare-brise a fait partir toute la gaieté. Par ici, la culture du fric. Et pour l'autre, eh ben, tu repasseras quand ils auront viré les flics à l'entrée des derniers galas. Bienvenue dans les grands ghettos, des pauvres aux riches, tous enfermés. Pour tout le monde, le même impôt. Ciao, la solidarité. Au nom de la peur, il y a tout qui est bon. Surtout si c'est marqué halal au cul de la cervelle de pigeon. Qui croyait être envoyé la balle, de quoi refiler une bonne migraine à un continent tout entier, et que ça décroche pas l'antenne de ton cordon télévisé. Chacun au fond de son bercail, et les poules seront bien gardées. On va plus faire dans le détail, choisis bien ta communauté. Finalement, rien de très nouveau. Quand tout le monde se tape sur la gueule, on pense pas à regarder plus haut qui nous a tiré le larfeuille. Tant qu'il y a de la malbouffe sous chaque bloc et des allocs à chaque carouf, McDo peut continuer son troc sans avoir le temps de dire ouf. Eh, c'est pas le mauvais vent qui se lève depuis que les cordons de CRS font deux fois la taille du cortège dans les manifs ou ce qu'il en reste. Depuis qu'il dégaze à plein jet sur la jeunesse et les perdants. Depuis que le terme humanité se conjugue avec délinquant quand celui qui protège la terre se retrouve les deux pieds devant. Que celui qui fait ton cancer est reçu comme un président. Quand venir en aide à des migrants devient de la haute trahison. On se dit qu'on serait pas plus content au bon vieux temps de l'occupation. Qu'est-ce que tu crois, la démocratie, c'est bien beau, mais face à la crise, C'est pas ça qui fera du pays la plus forte des entreprises. Surtout quand les rênes du pouvoir, et c'est qu'ils ne s'en cachent même plus, sont aux mains des plus grands richards, des banquiers, des vendeurs d'obus. Plus facile de canaliser nos prémices de ressentiment quand les mêmes ont tous les leviers des journaux au petit écran. Des sous, du sexe et de la peur, une terre à feu et à sang. Le commerce peut faire son beurre. Tout le monde s'endormir content. Il faut bien ça, des petites guerres d'ordre et de civilisation pour vendre nos hélicoptères et faire avancer nos camions. Surtout qu'il faut bien se défendre dans ce chaos économique avec toutes ces nouvelles puissances étanches à nos si beaux principes. Il va falloir serrer la ceinture, oublier nos services publics, la santé fera sans couverture et notre école sans république. On se dit qu'une bonne révolution nous remettrait dans le bon sens, mais pour ça d'abord arrêtons de tirer sur les ambulances. Je savais que ça vous parlerait. Qu'est-ce que je peux torcher? Ah oui, mais tu dépenses aussi, hein. Tu l'as dit, mon fils. C'est sûr. Allez, vous êtes toujours là. Yes. Plus que jamais. Avec plaisir. Yes, je vous sens dans mon ventre. Alors maintenant, on va faire un petit tour de France. Est-ce que vous avez pris vos petits vélos? Non. Vos petits cuissards? C'est parti pour un tour de France. C'est franchement pas le putain de pied. Partout la même odeur de rance et la même envie de pleurer. Faudrait voir à changer d'essence si on veut pas finir à pied. D'autant qu'au bout de l'émigrance, c'est un monde qui vient caler. Bienvenue les ch'tis chez Pôle emploi. C'est pas tout ça mais votre charbon. Ça fera parvenir les emplois partis vers d'autres horizons. On dit à Paris que c'est la loi de la sainte mondialisation. N'empêche ici, qu'est-ce que t'en vois bouillir au fond de ton crayon? Un tour de France, des millions de cœurs à l'ouvrage et qui avancent à l'horizon qui se dégage. Un tour de France, un tour de France, un tour de France. Heureusement qu'au milieu de ça, le roteux coule toujours à flot. Ça fait pour quelques champenois des gouttes ruisselant d'en haut. En attendant que les Chinois, lassés de leur château Margaux, se mettent aux bulles de ces coins-là et tendons Pérignon, chat. De la Bourgogne au Beaujolais pif, finit la route des 3 grammes et c'est toujours le même tarif qu'on monte ou descend de gamme. Décanter du bénéfice avant que l'union ne te blâme. Et tant pis s'il faut que tu pisses du vin rouge comme des lames. Ça fait mal. Ah, c'est pour vous. Un peu d'air pur à la montagne, des ballons des Vosges au Mont Blanc. C'est tous les ans la pluie qui gagne un peu de mètres sur l'or blanc. On savoyarde, il faut que tu te marnes entre Noël et Nouvel An, de faire un maximum d'épargne si tu veux revenir au printemps. Un tour de France, des millions de cœurs à l'ouvrage et qui avancent à l'horizon qui se dégage. Un tour de France, un tour de France, un tour de France. Un tour de France, des millions de cœurs à l'ouvrage et qui avancent à l'horizon qui se dégage. Un tour de France, un tour de France, un tour de France. Là tout au bout des nuages gris, c'est la grande bleue qui s'ouvre à toi. Mais là faut sortir les radis montrer peau blanche et son patois, tu seras le pacha du midi. Mais gare au bout de Massilia, si la belle de mai te suit, tu risques d'y laisser un bras. Suivant des terrains moins amènes, aux autoroutes de Vinci, des vallées d'Ardèche aux Cévennes, jusqu'au PO qui nous défie. Reprends donc un peu d'oxygène et va dans les marchés de pays troquer un peu du poids des chaînes contre la terre et ses produits. Tu trouveras la ville rose et ses quartiers qui font campagne. Un microclimat moins morose deviendra ton bas de cocagne. Tu verras la couleur des choses quand le noir et le blanc se joignent dans la musique de la prose comme une porte vers l'Espagne. Des millions de cœurs à l'ouvrage et qui avancent à l'horizon qui se dégage. Un tour de France, un tour de France, un tour de France. Avant que l'océan t'appelle des landes aux plages normandes, tu verras Nantes la rebelle venir hisser haut ses guirlandes, étendre ses fourches au ciel. T'apprendras alors à défendre le social et le culturel, une terre qui n'est pas à vendre. D'autant qu'au bout du Finistère, quand les Bretons sonnent la danse, ça peut venir des ministères, ils te diront ce qu'ils en pensent. Des décrets des lois de Bruxelles, même si t'as ton ordonnance, prévoit le râteau et la pelle, ici on pêche sans essence. Et qui avance à l'horizon qui se dégage. Un tour de France, un tour de France, un tour de France, un tour de France. Des millions de cœurs à l'ouvrage et qui avance à l'horizon qui se dégage. Un tour de France, un tour de France, un tour de France. Ça va, Épinal ? Oui. Dimanche soir, rue du Maréchal Lyautey, dans l'ancien vidéoclub. Ouais. C'était là que j'allais mater les trucs pour nous. Là, on est. Oh. C'est fou, là. Ouais. Ah, pour y aller. Il n'y avait pas de caméra. Ouais. Et puis voilà, le temps a passé, mais on est là. Hein. On est là. On est là. Malheureusement. Alors, est-ce que vous voulez encore du social, on renfonce encore un coup, ou bien on essaye un peu d'alléger un petit peu la situation? Un petit truc un peu plus smooth? Ah, c'est con, moi, j'avais pas fini ce que j'avais dit. On reviendra. De toute façon, là, on est ample ce soir. Alors, bah tiens, vu que c'est la fête du tiers-lieu sur le thème de l'eau. Voilà. Content pour ceux qui ne connaissaient pas de découvrir cet endroit. Bien sympathique, ma foi. Alors, bah prenez vos... Après avoir fait un peu de vélo, on va faire de... Bah, nager. Débaloté de petits bras, fais-moi le cadeau de ton corps. Arrache-moi, emporte-moi loin de ma vie et de son sort. Fais défiler tes petits bras, laisse-moi plonger dans ton cœur. Épargne-moi tous les débats. Déballe tes belles ardeurs. bonheur, coulons les jours un peu nageons. En plein bonheur, coulons les jours un peu meilleurs, plongeons dans nos deux cœurs sans fond. Nageons en plein bonheur, coulons les jours un peu meilleurs, plongeons dans nos deux cœurs sans fond. Dévoile tes jolis seins nus. Je veux revivre l'innocence. Découvrons les trésors perdus dans les remous de l'indécence. Donne-moi des songes inconnus. Dans ta bouche, je veux encore retrouver ces îles perdues qui sont des mers de remords. Ces chansons-là, un peu plus remuantes, légères et joyeuses, c'est sur cet album Mon Pays qui est sorti en 2020. J'avais un super attaché de presse, le Covid. Faudrait plus qu'on se dise tu, faudrait plus qu'on se dise tout, faudrait soigner ces tout qui doucement nous tuent. Faudrait que l'on s'avoue ce qui nous a déplu avant qu'on s'appelle plus, faudrait qu'on s'appelle vous. De nous, faudrait que l'on dénoue notre histoire de cul. Ce qui nous a déçus, ce qui nous a dissous, on ne l'a pas dit sous quatre bouts de tissu. Mais les voiles sont nous deux. voyait de l'or. On a pleuré dès lors qu'on a trouvé de l'oc. Sûr qu'on n'aurait pas dû se faire les yeux doux. On ne sait jamais d'où vient le bonheur perdu. Se mettre à bout, quand tout mis bout à bout, ça le fait vraiment plus. Avant qu'on s'entretue, mettons donc les deux bouts, tant que l'on est debout, tant qu'on ne s'est pas tu. Un peu de bonheur, mais comme avec moi il y a toujours une peau de banane, on va faire un petit coup de... Je sais pourquoi le micro là je le prends pas tout le temps, Christophe. Hop, hop. Il me faisait ça des fois. Comment ? Le câble ? Non, c'est le micro. Ah oui, non. Alors on va... On va brûler un cierge. Un petit peu donc de bonheur immoral. À Vincent. Sors de ce corps. Sors de ce corps jailli. Prends, fonce, et prends encore. Anime, anime, bois. Ce qui lui prend, ce qui touche. Survie, écris, écris, écris calme. Ton indulgence, soigne ton évidence. Secoue, secoue, gémis. Une onde de violence arrose le destin. Chasse au milieu d'un train, dévergonde le mal, dérange les objets, éradique le fond. Souviens-toi de la guerre, reprends ta voix d'enfant, soulève ta défaite, reviens à l'insensé, arrête, arrête de pleurer sans cesse. Implore ton pardon, fonce dans l'existence. Casse le mur des cons. Tu te retrouveras demain, ailleurs, partout. Fais flèche de tout bois. Casse les cœurs rompus. Envoie-toi, monte en l'air. Excommunie la foudre. Chasse, chasse l'orage. Et fais parler la poudre. Divise tes humains. Écoute le temps qui braille, suit ta mauvaise humeur. Prends du vin pour la route. Choisis entre les routes celles qui te torturent. Choisis entre les routes. Fais de ton mal, fais de ton mal. ton mal comme on fait de son mieux. Accélère la cadence, ralentis l'immobile, chasse la transparence. Rends-toi dans un asile, fissure tes complexes. Exhale de ce monde un parfum de conteste à trois bornes, à la ronde. Surprends-toi, fais semblant d'adorer les nuages. Tu t'y verras dedans, dans la course aux orages. Éclate tes tourments, arrache-toi du fond, sens le bonheur vivant. Prends la main d'une gosse, offre-lui ton sarment. Oublie la démesure et lance-toi sauvage. Plie pourvu que ça dure et fais parler, et fais parler la rage. Et fais parler la rage. Prends le modèle social. Épargne-toi des cons. Mets ta main dans l'Oural et fais monter le son. Vis dans un autre monde, aveugle et solitaire. Laisse échapper la sonde et prends le bain de mer. Jalouse le pollen, excelle dans le mal. Appuie-toi sur ta peine et ton point cardinal. Choisis les vents coureurs. Accentue le signal. Collectionne les feux. Abreuve les étoiles. Empêtre-toi. Tu peux. De bonheur. Immoral. Collectionne les feux. Abreuve les étoiles. Empêtre-toi. Tu peux. De bonheur. Pour le bonheur. Alors, tiens, je vais vous raconter l'histoire d'une petite. Avant de vous la chanter, je vais vous la déclamer. Comme il arrive ici qu'on déclame sur cette scène. Il y a une scène ouverte ici, à peu près une fois par mois. On entend des gens s'exprimer. On est ensemble. On partage un moment... de collectif. C'est la fille du soleil. Elle a 26 étés. Ça fait bientôt deux berges qu'elle habite dans le quartier. Elle habite un deux pièces de 28 mètres carrés entre un café-concert et une école privée. Elle est dans le spectacle. Elle fait tourner des groupes. Elle travaille pour une boîte qui a plutôt le vent en poupe. Elle peut faire des extras comme elle est en freelance, alors elle goûte aux joies de son intermittence. Elle est moitié en couple, un peu célibataire. Son ex était trop sous et son nouveau trop clair. Alors, quand ça lui toque, elle se mate un porno. Ça la fout pas en cloque, mais pour sa libido. Attends. Elle dévore un bouquin. Quand elle trouve un moment, elle a lu tout Orwell et puis François Sagan. Mais comme en général, elle est plutôt crevée, elle préfère s'endormir sur une série télé. Côté musique, elle ne vaut pas un culte adoré. Elle écoute un peu tout, surtout ce qui fait bouger. Sauf quand elle a le blues. Là, elle se met fanon et elle chiale un bon coup. Ça la requinque pour de bon. Elle se fait des petits plats super équilibrés. Qu'elle achète dans un bio de la rue de Bagnolet, mais le soir, quand ça lui prend, elle descend se chercher un casse-dalle dégoûtant au kebab d'à côté. Quand elle sort de la douche, elle est fraîche à pleurer. Elle se repeint la bouche, se refait une beauté. Ce soir, elle est de sortie et il y a tout plein de beau monde, c'est concert de sortie pour son petit groupe qui monte. Elle habite à Paname, mais c'est pour le boulot. Elle rêve de se faire la malle, le monde, en sac à dos, avant de faire des mouflets et de revenir au pays dans le casotte à Serret que son père lui a promis. Elle fume, comme un pompier, mais elle voudrait bien réduire, car ça la fait tousser, elle voit ses doigts jaunir, mais c'est pas le bon moment,

Eh bien, c'était donc une émission particulière consacrée à cet événement particulier aussi, qui a été la fête du tiers-lieu, centrée pour nous, les écrivains, autour de la Vosgiothèque et de toute l'expression des auteurs vosgiens et du Grand Est, puisque à l'origine, l'Union des écrivains vosgiens s'appelait Union des écrivains de l'Est. Et c'est un petit peu le rayonnement qu'elle tend à avoir avec des Comtois, des Alsaciens, des Champenois, voilà, aussi. En plus, et des Meurthe-et-Mosellans, bien sûr, en plus des Vosgiens. Voilà, et donc, il y aura des suites à cette émission. La scène ouverte qui a eu lieu la veille. Et puis aussi, toutes les lectures des auteurs qui étaient non présents, mais qui étaient représentés par une dizaine de nos lecteurs, et que vous pourrez écouter tout lecteur, toute lecture, je veux dire, qu'on peut retrouver aussi dans la Vosgiothèque. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, une trentaine d'auteurs, qui nous ont laissé leurs livres, en plus de ceux qui étaient là présents. Et c'est pour nous une joie, un élan, quelque chose de nouveau qui se constitue là, un germe qui sans doute aura aussi des effets radiophoniques, puisque je le redis, l'idée de faire des émissions littéraires sur le modèle de ce cercle qui s'est apparu ce 9 novembre, l'idée s'est fait jour, et c'est évidemment sur RGM, qui est Vosges Culture, que cette série d'émissions littéraires à sa place. Voilà. Eh bien, bonne nuit et à bientôt.